5 minutes sont déjà passées, non? On peut ouvrir là-bas parce que ça, y a, le soleil est parti, donc. Bon appétit, mangez, mangez. Non, non, mangez doucement, mangez doucement. Quand il vous laisse vous manger, il y a pas le sommeil. Quand je parle, le sommeil revient. Relaxez-vous, relaxez-vous, on continue. À moins que vous voulez qu'on continue, mais je souhaitais que nous, demain, on parle d'autre chose avant de commencer à crier. Forcément, il y aura les cris. Parce que vous êtes chargé comme ça, on parle aussi tranquille. Vous savez, il y a une chose. Il y a des gens qui sont possédés, ils ne savent pas qu'ils sont possédés. D'autres qui en sont conscients de leur possession. Il y a d'autres, quand tu approches, tu entends lui-même tomber avant de dire qu'est-ce qui me prend. Il ne sait pas qu'en réalité, pendant que tu marches, la puissance de résurrection devant toi, ça les bouscule. Si un bandit est caché dans l'obscurité, vous pouvez passer votre route tranquillement sans savoir qu'elle est là. Mais si vous pointez la torche, boum, ça tombe sur lui. Soit il va foncer vers la lumière pour éteindre la lumière là rapidement. Ou bien il cherche à fuir. C'est ce qui se passe dans ces choses, la confrontation avec les esprits. Oui, c'est ce qui se passe. Si vous allez à Capernaum, vous allez voir Jésus qui se prêchait. La Bible déclare, pendant qu'il prêchait dans le temple, il y a un homme qui est sorti au milieu de la foule, il est tombé. Boum, ah, il y a quoi entre toi et moi, Jésus? Jésus prêchait, il ne lui a pas parlé. Il lui pose la question, qu'il y a quoi entre toi et nous? Vous voyez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il le prenait pour qu'il sorte de la foule qu'on va tomber là-bas? Tu entends, tu as des prêches, quelqu'un dit, tais-toi là-bas! Alors que tu as des prêches, c'est vraiment la chose tranquille. Il m'a dit, tais-toi, qu'est-ce qu'il y a que tu nous déranges comme ça? Ça va, mes chers? On avance? Quoi qu'il y a quelqu'un qui manque encore? Oui? Quoi ça? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça qui est l'objet de la troisième partie que j'ai fini. Je finis en deuxième partie. C'est quoi? Mais j'ai fini la troisième partie, la deuxième partie en disant c'est justement de ça que je vais parler, non? Oh. On fait comment? Qu'est-ce qu'on fait alors? Non, on continue. Non, je disais seulement qu'il y a avec le temps qu'il fait là, je ne sais pas si vous voulez qu'il continue. Cette partie-ci particulièrement. Et si pendant qu'on continue la partie, le Saint-Esprit ouvre encore une autre parenthèse. On continue toujours. Celui-là peut dire ça parce qu'il est chez lui. Là, ça ne me dérange pas. Je ne le dis pas parce que je suis moi, parce que j'ai soif. Okay. Donne l'eau. Non, soif, elle est spirituelle. Soif. Ok. Tu sais que tu vas rentrer pour voir les enfants. Et le matin, on commence à quelle heure alors? Arrangeons-nous avant d'avancer maintenant. 10 heures. Je suis à votre service. 10 heures. Il dit qu'il y a les Gouaou qui prennent 1 heure. Non, ça va, il n'y a pas de temps. Parce que quand c'est là comme ça, il faut se débarrasser. Il ne faut pas rigoler. Demain, il y aura plus de monde. peux rigoler comme ça. Parce que si nous tous, si nous sommes là demain, et sans compter qu'il y a des gens qui sont loin, et demain c'est dimanche, c'est transport, c'est un peu compliqué. Donc c'est mieux de 10 heures. Demain, on commence à 10 heures. Oui, ça serait mieux demain, 10 heures. On peut continuer là jusqu'à 20 heures. Quand vous allez trouver dans le mot, ce qu'on doit faire, vous me dites alors. Voilà, c'est comme ça, ton esprit. Non, mais c'est juste de savoir à quelle heure j'ai un bus. Non, au pire des cas, vous me posez à la gare. D'accord. Au pire des cas, vous me posez à la gare. Viens trouver la solution. Ou bien tu peux dormir ici, non? Est-ce que tu as les nourrissons? Non, 4 ans le dernier. Pourquoi tu as commencé par le dernier, la première? Bon, si je les préviens, ça va, la plus grande a presque 10 ans. Sachant que tu as promis les amener ici. Ah oui, la soeur Marie-France et la soeur Guette n'ont pas de problème, n'est-ce pas? Mais Christ peut l'être déposé, c'est... On peut continuer. Prions. Seigneur, nous voici encore dans cette troisième session concernant le besoin de l'heure, le besoin du Saint-Esprit, afin de pouvoir savoir dans cette époque ce qui te sert et qui ne te sert pas. Seigneur, nous sommes vautrés dans la boue et nous avons mixé, au Dieu de gloire, le christianisme dans la boue et nous avons confondu cela à la religion. Père, nous avons besoin de toi en cette heure. Nous avons plus besoin du Saint-Esprit maintenant, plus que toute autre époque, Seigneur. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de comprendre cette nécessité. Je prie, ô Dieu de gloire, dans cette troisième session, ici en France, pour ce peuple de la France et pour tous ceux dont-là, qui nous écoutent dans le monde entier, tous les frères qui sont dans le monde entier, qui ont cette même soif, la paix. Nous prions, ô Dieu, que tu manifestes ta gloire au milieu de l'Église et que tu nous révèles ta pensée au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit n'étant pas présent, le royaume n'est pas manifeste. Parce que le royaume du ciel est prêché avec puissance. Et la puissance doit venir de lui. S'il n'y a pas la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, la parole est la lettre. Comprenant ce principe, c'est pour cela que les charlatans sont entrés au milieu du Christ, oignant cette petite parole qu'ils ont avec les puissances démoniaques. Vous comprenez? Ils font exactement ce que les prédicateurs ou un de l'esprit devraient faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit, troisième partie. Vous avez compris? Maintenant, vous allez voir effectivement maintenant que la Bible a montré que l'Église dispose de cela. On va voir selon que le Seigneur va conduire maintenant. Maintenant, dans la deuxième session, dans la deuxième partie, nous avons vu en finissant que lorsque l'évangéliste Philippe est descendu en Samarie pour prêcher, il a confronté un certain Simon le magicien qui lui réclamait de lui octroyer le don du Saint-Esprit pour qu'il puisse faire les mêmes miracles que lui. Si on avait à prêcher avec attention aux miracles, je parlerais de cette époque et voir vraiment que l'Esprit là se trouve en milieu des chrétiens aujourd'hui. Là où les gens achètent l'onction. Vous voyez quelqu'un qui ne permet pas commettre le miracle. 2 mois, il va quelque part, il revient, ça explose. Vous posez la question, est-ce la façon de Dieu d'agir? Il dit non, ce n'est pas comme ça se passe. Il y a une manière de la voir, c'est dans la Bible. Vous voyez, quelqu'un vous quitte vos milieux, après pas, il revient, l'onction commence, vous, les gens tombent. Il devient célèbre subitement, les chaussures commencent à changer, le ventre monte, il commence à dire du mauvais. On l'invite maintenant, sa notoriété commence à se répandre dans les régions. On l'invite maintenant dans toutes les campagnes, il est là. Son nom est élevé par le nom du Seigneur Jésus. Son nom. Le signe des authentiques ministères, c'est que le Saint-Esprit élève le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La pression est sur vous. Il y a la pression sur vous. D'accord? Moi-même. Bon. Il dit le signe de l'authentique ministère, c'est que le Saint-Esprit, là, vient pour honorer le Seigneur Jésus-Christ. Ça vient glorifier le Seigneur Jésus. Et là, vous commencez à voir ces styles de prédicateurs. Vous êtes surpris de voir ces styles de prédicateurs qui, malgré ces miracles, vivent dans le péché. Vous posez la question, est-ce le Saint-Esprit de la Bible qui a dit des prédicateurs dans 1 Pierre chapitre 5 que personne le troupeau qui est sous vos gardes, non comme dominant sur eux, mais comme étant le modèle du troupeau. C'est Saint-Esprit qui a dit, si quelqu'un aspire à la chaire d'évêque, Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mm-hmm. Irréprochable, mari d'une seule femme. Mm-hmm. Lui, il a deux. L'autre, encore, quand il va comme ça au Bénin, il rentre avec l'onction, il chasse la première. Parce que la première est vieille. Il chasse une jeune fille bien vierge, là. Ben, qui est métisse. Que quand il regarde comme ça, quelqu'un tombe. Ça veut dire qu'elle voyage partout. Comme les présidents du monde le font. Mm-hmm. Il y a une voie pour la voir. Une. On avance? Ok, notez 1 Corinthiens, chapitre 6, notez. On va, et puis on va voir là où on va commencer. Notez 1 Corinthiens au chapitre 6. Dès que vous aurez noté, je donne encore un autre. Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Notez 1 Corinthiens chapitre 6. Notez Éphésiens. Éphésiens, je vais vous donner le chapitre parce qu'il y en a plein. Notez Apocalypse chapitre 3. Vous avez remarqué, effectivement, dans... Je n'ai pas donné le chapitre, j'arrive. Vous savez, moi, vous allez noter, vous allez remarquer que dans Apocalypse, la prédication à l'église est faite par le Saint-Esprit. Vous avez remarqué, frère, chaque fois à toutes les recommandations données à l'église, dans les sept églises de l'Apocalypse, lorsque ça termine, on ne ponctue pas. Si quelqu'un a les oreilles qui l'entend, c'est que l'Esprit dit aux églises, le Saint-Esprit dans l'église, frayant un chemin, désirant entrer et prendre possession. Vous voyez? Donc, nous sommes dans la troisième partie pour voir comment le faire. Maintenant, lisons la Bible et laissons-nous couler, d'accord? Chapitre 1 dans l'Éphésiens. Chapitre 1 d'Éphésiens. Le fait que certaines choses se sont glissées au milieu chrétien et qu'on a mixé la marche chrétienne et confondu cela à la religion, ça a poussé donc certains groupuscules inspirés par Satan de dire que le temps du Saint-Esprit s'est arrêté. Qu'il n'y a plus de miracles. S'il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de royaume de Dieu. Parce que la Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais avec... Mais avec puissance. Puissance. Que le don est moi avec le dernier apôtre. Donc Dieu avait mis le don de l'église dans un apôtre. C'est ça? Il est mort avec. Ça, c'est un catholique, pas vrai? C'est un catholique, là. Que le dernier apôtre qui est mort, il est lui mort avec le don. Il n'a pas transmis le relais. Si ce livre-ci, vous lisez, la puissance n'accompagne pas, vous fermez la Bible. Fermez. Juste à ce que vous réglez le problème qui se trouve. Parce que c'est la puissance, c'est le royaume de puissance dont nous servons. Mais ça doit être conforme à ceci. Alors regardez très attentivement. Lorsqu'on est embourbé par toutes ces choses-là, on voit que certaines personnes sortent de l'extérieur, entrent au milieu chrétien avec des puissances démoniaques. Et on voit les méfaits que ça fait. Et comme il n'y a pas, semble-t-il, le vrai, pour confondre, comme on a vu le cas des magiciens et de l'apôtre Paul, le cas de notre magicien et l'évangéliste Philippe, comme on n'a pas vu cela, qu'est-ce qu'on va dire? Les gens vont dire, oh, c'est un serviteur de Dieu. Comme ceux de la Samarie disaient que Simon le magicien travaille avec la puissance de Dieu. Il faut qu'il y ait confrontation. Si la confrontation au niveau de la lettre, vous allez vous retrouver à la télévision avec ces arguments-là des musulmans où chacun donne sa part de Dieu, sa part d'opinion sur Dieu. Où les réaliens peuvent aller dans la Bible dire que les Elohim se sont concertés et un de leurs Elohim était le plus élevé. Et que l'un des Elohim, Yahweh, principalement, pose la question et a envoyé Raël sur la terre pour aller dire aux chrétiens que vous avez tout faux parce que Yahweh et Lucifer n'ont pas de problème. Donc, il faut jeter la Bible. Donc, tout ce qu'on a toujours raconté là est faux. Vous voyez ce qu'il en est. Chacun va donc donner son opinion. Qu'est-ce qui va trancher? Quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un rempli du Saint-Esprit prononcera des sentences et des instructions du ciel. Quand l'apôtre Paul a dit, fils du diable, jusqu'à quand ne cesseras-tu pas de pervertir la voix du Seigneur? C'est sa voix qu'on entendait. Mais quelqu'un résonnait derrière ses voix. Cette résonance-là était portée par quelqu'un d'autre. C'était la même voix. Mais c'était ainsi par l'esprit. Lorsqu'il a fini, la sentence est tombée. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand ce Saint-Esprit-là se retrouve dans l'église, il ne vient pas seulement faire des miracles. Il tue. N'est-ce pas, frère? Il t'amuse, il tue. Tu mens, il tue. Le chrétien aujourd'hui vole, ment. Il donne l'argent au prédicateur qui est dit de remplir le Saint-Esprit. Il ne discerne même pas. tu vas poser une question. Alors, la Bible déclare dans Actes chapitre 5 que lorsque les gens vendaient les bienvenus déposés, il y a un homme qui avait sa femme se fait concerter. Que Pierre, depuis qu'il a lancé sur lui, tu vas y travailler. Il dit non. Il dérange, pas vrai, oui. Tout l'argent qui entre là, on distribue ça aux gens là. Pourquoi? Eux-mêmes ont travaillé, quoi? Garde l'argent là-bas, si c'est faux, parce que souvent, la pauvreté est souvent grave sur eux. Si c'est faux, on prend ce qu'il y a à la maison. Quand il s'est avancé au milieu de l'assemblée, il l'a déposé. Quelqu'un s'est levé là, quand il le regardait, il voyait Pierre. Ananias, et tonton Pierre. Tu as vendu le champ à ce prix-là. Quelle question? Donc tu vois combien là-bas? Il aurait dû se poser la question. Ce n'est pas normal qu'il pose la question parce qu'on n'a jamais posé la question pour quelqu'un d'autre comme ça. Mais il entendait la voix de Pierre. Ananias, est-ce à ce prix que tu as vendu ce champ-là? La question, si, ce n'est pas qu'il ne connaît pas. Il a dû lui poser la question. Est-ce que tu sais que je sais ce que tu as fait? C'est ce qu'il en a dit, il la voit. Mais lui, il voyait Pierre. Le Saint-Esprit n'est pas une vapeur qui suit les gens qu'on est là. Il se trouve dans une vase. D'accord, frère? Parce que c'est une personne. C'est pas ce que vous saisissez. Il se trouve dans une vase. Il se trouve dans des vases. Et il se manifeste d'une façon ou d'une autre. Il peut se trouver dans une vase. Il se lève là-bas et dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et subitement, ça déclenche des choses. Alors qu'une voix a parlé. Vous saisissez, frère? Alors, c'est tenu là-bas, il a dit, est-ce censé changer? Il dit, oui. Mais parce qu'il a entendu la voix de Pierre. Mais si ça avait, comme vous avez entendu le bruit, là, ça avait fait, tu as vendu le chat, comme il avait dit que je me répands, je me répands, je me répands. Catalina, comment s'appelle celle-là? Anania, la femme d'Anania, madame, amène l'autre argent. Saphira, voilà, c'est elle. Il a dit, oui. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mens au Saint-Esprit? Vous entendez la voix? Quand il a entendu la voix, la voix n'a pas dit, je t'ai tué. En entendant, la Bible déclare qu'il est tombé, il a expiré. Vous entendez cela? Ça, c'est le milieu des saints. La Bible déclare la conséquence de ces choses, c'est que quand les gens qui ont appris cela, personne n'osa s'approcher d'eux. Chacun regardait à distance. C'est un prédicateur qui tue les gens. Va mentir là-bas. Tu as vu ce qui est arrivé à Zanaï, à Saphira, non? Tu as entendu soirée ça? Il te parle. Si tu poses la question, tu réponds mal, tu tombes, tu meurs. Ça fait que les gens ont peur des chrétiens. La crainte s'empara. Et le nom du Seigneur était élevé. Aujourd'hui, les francs-maçons viennent au milieu de l'église. Ils s'asseyent. On modifie la prédication. Comme ils donnent beaucoup d'argent, le pasteur grette l'argent. Dieu aime tout le monde. Amen. Amen. Viens à Dieu tel que tu es. Amen. Amen. Entre dans l'église, des gens vont te dire si tu vas te tenir là-bas deux fois. Alors on modifie les prédications aujourd'hui à cause de nos affinités sociales. Parce qu'on ne doit pas blesser, il ne faut pas blesser trop la sensibilité. Toutes vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais tout mensonge, on lâche à tout moment. On peut lâcher le péché à tout moment, ça ne dérange personne. Mais quand tu prêches la vérité, on te taxe des fanatiques. Ils ont besoin du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'il a dit comme ça, après sa femme est sortie, tchan, elle est rentrée de la réunion. Entrée là-bas, la Bible déclare, ne sachant pas ce qui était arrivé, chacun était la personne qui pleurait le deuil. Madame Ananias, oui, l'apôtre Pierre, vie éternellement, Jésus-Christ, vrai. Comment tu vas? Non, le Seigneur est sur son trône. Il n'était pas sur son trône quand tu n'étais pas là. Hein? Dis-moi, le prix des champs que vous avez vendus, c'était combien? Vous voyez pourquoi on doit discerner la voix du Saint-Esprit? La voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant en toi, discernera cette même voix dans l'autre. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, quelqu'un va venir se tenir là de vous, parlant comme je suis en train de parler, c'est avec celui qui est en vous que vous allez discerner celui qui est là-bas. Comment l'apôtre Pierre a dû discerner que l'apôtre Paul a été appelé, alors qu'il n'était pas présent à son appel? Eux, ils ont vu Jésus-Christ physiquement. Et Paul est en train de raconter d'une histoire qu'il aurait rencontré Jésus. Il dit que j'ai vu Jésus sur la route de Damas. Comment l'apôtre Pierre va accepter cela? Puisqu'il a vu physiquement, l'apôtre Paul ne lui a pas apporté une preuve en disant que, regarde, tu vois comment on voyait. Mais voilà, c'est la terre. Pour qu'une image soit, il voit. Celui qui l'a ouin témoigne que c'est lui qui l'a ouin. Leur doctrine est compatible. Mais quatre ouins disent aujourd'hui, ouins de l'esprit, sortant de même école, ont des théologies différentes. Donc celui-ci sort de l'école de Tyrannus. L'autre Tyrannus, il va créer Tyrannus B pour corriger Tyrannus 1. Ça, vous entendez, église protestante A, groupe A, groupe B, église messianique renouvelée, Église, celui-ci, renouvelée, en vous, réformée, réveillée, sanctifiée. Ainsi de suite. Et ça, il s'avance. Tous ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se divise un peu. Donc le corps du Christ en s'est grandi, eux ils divisent plutôt. Je crois qu'il y a un téléphone qui sonne encore là. C'est ça? On peut avancer là, frère, avec ces choses. On est en train de manger ces choses. Quand il a posé cette question à ses femmes, est-ce que c'est pour que vous avez vendu le prix du champ? C'est pour le champ? Il dit oui. Il lui pose la question. Comment vous vous êtes concerté pour mentir au Saint-Esprit? Vous attendez, vous avez à qui on a menti? Menti au Saint-Esprit. Voici ceux qui ont enseveli ton mari. On l'informe que son mari a été enseveli. Que va le retrouver? Pendant qu'il a parlé, il est tombé mort. Les jeunes hommes, il y avait des jeunes hommes là qui avaient la force pour porter enterré. On peut sortir, aller l'enterrer sans informer la famille. Souvenez-vous, il y avait la régularisation de la vie sociale là-bas et la loi. Aujourd'hui, s'il y a un mort chez toi, il faut faire attention, on prie. Parce que quelqu'un est mort, il faut déclarer. Sinon, la prière sera attendue. La police viendra. Il s'est tenu là. Il a dit, allez enterrer. Ou vous allez venir l'arrêter. Enfin, on l'arrête, on met en prison. L'ange le fait sortir. Vous allez faire comment avec ces gens de personnes au milieu des hommes? Vous le tapez. Vous dites que c'est la dernière fois. L'ange vient l'empêcher que mec ou là-bas que prêche toutes les paroles de cette vie. Il dit, oh, je ne peux pas faire autrement. Le Saint-Esprit l'a lié. Il est esclave du Saint-Esprit. S'il ferme la bouche, il ouvrira la bouche, il parlera avec sa voix. On la tape, on l'attrape, on le fouette. Le Saint-Esprit ne subit pas les fouets. C'est lui. Donc, si le Saint-Esprit vient sur vous, vous êtes prisonnier du Saint-Esprit. Et souvenez-vous, le Saint-Esprit ne vient pas sur quelqu'un pour repartir. Il vient en vous pour vous sceller pour toujours. D'accord? On avance ici maintenant. Éphésiens chapitre 1. Donc, sans le Saint-Esprit, on va aller en dérive. Sans le Saint-Esprit, on aura le feu étranger au milieu de l'église. Oui? Je veux savoir, parce que quand tu viens de dire que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient, ce n'est pas pour repartir. Mais quand on dit que, voilà, si tu pêches le Saint-Esprit. Attristé, c'est pas parti, non? Ôté. Qui a dit? Après, il est éteint, après, il est ôté. Non, il ne faut pas confondre les choses, d'accord? Regardez bien. Les endroits où vous en avez cité, c'est dans des endroits différents de la Bible qui parlent des choses différentes. Là où tu en es de parler, il est écrit qu'on prie sans cesse. N'éteignez pas l'esprit. Un être humain n'a pas le pouvoir d'enlever le Saint-Esprit dans lui. Quand on parle d'éteindre l'esprit, c'est d'empêcher son action. Parce que si vous continuez à pêcher, il vous avertit, vous a pêché un temps, il reste tranquille. Pas qu'il quitte, il reste tranquille. Remarquez très bien pour vous éclairer cela. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas à quelqu'un que... Tu dis, il part. Non, c'est pas comme ça. Écoutez très attentivement. Vous lisez bien la Bible. Vous lisez votre 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Il dit qu'on entend dire parmi vous qu'il y a de l'impudicité. Parmi vous. Là, il ne s'adresse pas au monde, il s'adresse aux chrétiens. Une impudicité, pas même que ça ne se nomme pas chez le païen. C'est au point où quelqu'un a la femme de son père. Et vous en êtes à être dans l'orgueil et vous n'êtes pas affligé afin qu'elle entre en qui a commis l'état soit ôté du milieu de vous. Vous avez vu cela? Là, c'est au chapitre 5. Il y a de l'impudicité au milieu des croyants de Corinthe. Il y a tellement de choses. Ce n'est pas seulement ça. Il y avait la magie, l'orgie, même l'homosexualité au milieu d'eux. Vous savez ça? Mais il nous révèle que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous avez reçu de lui. Si quelqu'un donne détruit le temple de Dieu, donc ils avaient reçu le Saint-Esprit. Il était en eux, mais ils commettaient le péché avec lui. C'est terrible la Bible. Et dans le second épître de Corinthiens, il écrit en félicitant du fait que la lettre qu'il avait écrite dès le départ, parce qu'il était dur dans la première épître, ça a fait l'enseignement que ça a produit en eux la tristesse. Il a dit que cette lettre-là, quand ça a produit la tristesse, à repentance pour salut. Il a reconnu du fait que malgré qu'il les a attestés dans la lettre, il ne se repent pas de cette lettre, parce que la personne qui vivait avec la femme de son père ne savait pas cela, parce qu'il n'y avait pas d'enseignement. Donc il ne pouvait pas savoir que c'était mauvais. Quand il a entendu cela, la voix du Saint-Esprit, il l'a corrigé, il s'est repenti. Le Saint-Esprit n'a pas quitté. D'accord? Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit vient sceller pour le jour de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à sa propre louange. Donc le Saint-Esprit, même si vous commettez un peu de péché, le Saint-Esprit ne sortira pas. C'est parce que vous comprenez cela. Il n'y a pas un verset biblique qui dit que le Saint-Esprit vient pour partir. L'Ancien Testament explique que le Saint-Esprit venait sur quelqu'un pour accomplir. Donc c'était l'action de Dieu sur la personne. Ici, maintenant, la nouvelle alliance, Dieu justifie par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit nettoie pour faire son tabernacle, pour faire une habitation. Je serai leur Dieu, j'habiterai au milieu d'eux. D'accord? nous sommes le temple de Dieu. Ça dit que désormais Dieu habite à l'intérieur. D'accord? Alors que l'action de Dieu venait sur les gens. Vous entendez que cantique de Zacharie, il fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Après ça, il rentre Zacharie, il laisse Zacharie tout comme le chantier, ça, comme il est là. Or, lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il dort, le Saint-Esprit se trouve à l'intérieur. Il marche le Saint-Esprit à l'intérieur. Oui, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il marche, conduit, marche à chaque pas sur le Saint-Esprit. Ça, c'est dans le croyant, chez les chrétiens. Donc, si tu as le Saint-Esprit, c'est pour toujours. D'accord? Si tu as le Saint-Esprit, il n'y a pas un seul verset que Dieu va donner le Saint-Esprit. Parce que le signe qui donne son Saint-Esprit, c'est pour dire que son temple est nettoyé, prêt. Il t'a donné ce qu'on appelle les arts de l'Esprit. Les arts de l'Esprit, c'est-à-dire que c'est un acompte pour montrer qu'il viendra te chercher. Vous voyez pourquoi c'est important de le trouver, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il n'y a personne qui a le Saint-Esprit qui se retrouvera en enfer. Ça vous choque encore, pas vrai? Comment ça? Et ôter. Ôter là, ça ne se trouve pas. Déjà pour commencer, donc éliminons le regard là. On dit quand tu pêches, quand tu es attristé, tu continues, il est attristé. Peut-être que quelqu'un a dit quelque chose, il a mal entendu ou quoi? Non, le Saint-Esprit, souvenez-vous. Je crois que tu avais mal fini cet enseignement. Après, il a dit que si ça doit te ôter, c'est Dieu seul qui connaît. Il n'a pas dit que. Non. Attristé, oui. Éteint, oui, mais pas ôté. Pas ôté. C'est Dieu seul qui sait. On avance là. Prenons le chapitre 4, lisons quelque chose et puis on va au verset 1, chapitre 1. Regardez le verset 30, ce qu'il dit là-bas par rapport à ce qu'elle en a dit. Regardez. Verset 30 du chapitre 4 d'Éphésiens. Pas la on va revenir au verset 1 pour continuer, parce que sinon, c'est vaste ça. Chapitre 4, verset 30, regarde, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé momentanément. Non. Le jour de la rédemption, c'est quoi? Romains chapitre 4, verset 31. Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4, le verset 30. Vous y êtes. C'est quoi le jour de la rédemption? Le jour de la rédemption, c'est quand? L'enlèvement. Donc, ça veut dire qu'il a dit passeport pour l'éternité. N'est-ce pas? Maintenant, écoutez très attentivement. Regardez bien la Bible. Vous lisez bien la Bible. Vous allez remarquer que Dieu ne donne pas le Saint-Esprit pour ôter. Le signe même dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'il peut être circoncis et déconcis. Le prépuce ôté ne peut pas être remis. Vous avez remarqué cela? Parce que le Saint-Esprit venant dans le cœur humain, c'est le signe de la circoncision qu'on avait mis là-bas dedans. C'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance. Quand on enlève le prépuce, on ne peut plus coudre. On enlève ces déchets-là, c'est terminé. Donc c'est le signe que, remarquez très bien dans Ézéchiel au chapitre 36, au verset 25 et suivant. Il dit qu'en ce jour-là, c'est lui qui va faire une circoncision. Il va mettre ses parents en eux, il va les laver d'une eau pure. Il donne les étapes même de la sainteté, de la nouvelle naissance qui va s'opérer. Il dit que j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair. Je mettrai mon esprit en eux et je ferai à ce qu'ils marchent d'après ma parole. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut pas marcher. Donc après que l'œuvre du retirement de l'ancien cœur et la mise en place du nouveau cœur, puis le scellement de l'esprit, fais le temps que tu marches dans l'obéissance. D'accord? Ok. Donc, il est écrit ici que le Saint-Esprit de Dieu est donné pour le jour de la rédemption. Donc, c'est un truc pour montrer que tu seras à la rédemption. C'est cela. Au chapitre 1, le verset 11, la Bible déclare en lui aussi, après avoir cru, après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez vu, n'est-ce pas? C'est après avoir cela, quand vous avez cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit. Donc, quand on est scellé du Saint-Esprit, scellé, ça veut dire que c'est fermé. On boucle le Saint-Esprit. Et remarquez bien, quand vous enlevez le conteneur, quand les douaniers mettent le scellé là-bas, pam, ça doit jusqu'à la destination. C'est jusqu'à la destination qu'on peut ouvrir là maintenant. Jusqu'à la destination. Donc, ça veut dire que même s'il arrive qu'il y ait de l'embrouille entre le bateau, ou qu'il y a un problème où le bateau doit changer le conteneur a changé le bateau, ça doit arriver à bon port. Ça doit être arrivé sans être décelé. Voilà. C'était l'année. Chapitre 1 maintenant, continue dans notre époque, dans notre chose, la troisième partie. Nous étions en train de suivre une direction. Comment véritablement, obtenir ce don-là? Et il faut qu'on comprenne d'abord l'importance et la nécessité de l'avoir, n'est-ce pas? Nous avons compris que sans cela, nous ne pouvons pas marcher comme Dieu veut. Sans cela même, le péché à côté de nous, nous le battons à côté de nous et à l'intérieur de nous. Il y a des chrétiens qui souffrent à l'intérieur d'eux. D'autres se battent, ils ne peuvent pas soumettre leurs problèmes, même aux croyants. Parce qu'ils regardent tel croyant, lui-même sa part de défaut ne le laisse pas. Il va chez le pasteur, il entend que le pasteur couche avec tel ancien. Il rentre à la maison comme ça que Seigneur, si c'est fort sur le pasteur là, moi-même je suis qui? Là, il ne pose plus de problème à quelqu'un. Chacun souffre dans son petit coin. Il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Tu viens aujourd'hui, tu poses le problème à un pasteur. Demain, tu entends que toute l'église connaît. Les gens maintenant n'ont plus d'intimité maintenant. On ne peut plus parler à quelqu'un avec confiance. L'église est devenue maintenant le répertoire de « Tu as vu telle-là. C'est celle dont je te parlais. Là, voilà, là-bas. Elle a le bois. » C'est le pasteur qui dit comme ça à son fidèle à côté. Mais quand celle qui a le bois vient mettre la dîme, il dit, frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Il bénisse avec le bois. C'est l'église qui se trouve. Après, la prochaine fois, quand il entend parler, maintenant qu'on ne paie plus les dîmes, elle ne donne plus les dîmes, elle dit à toute l'église qu'éviter la soeur, là. Elle va vous contaminer, elle a le bois. C'est l'église de Jésus-Christ, là. Non. Il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met l'unité dans le corps. De telle façon que si quelqu'un souffre, l'autre souffre avec. N'est-ce pas, frère? Chapitre 1 maintenant, d'Éphésiens. Je vous ai demandé de noter 1 Corinthiens 6 tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, regardons chapitre 1 d'Éphésiens. Je vais lire verset 15. Ou bien, prenons. Ouf, c'est merveilleux. Commençons verset 13 et avançons. Éphésiens chapitre 1. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez vu, après la croyance, on a été scellés, n'est-ce pas? On dit lequel est mis pour Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage. Ça t'a dit, frère? Donc, le Saint-Esprit est scellant, c'est une preuve ultime que vous appartenez au groupe de ceux dont Dieu s'est acquis. Regardez, lequel est un gage, c'est une certitude plus sûre que la sûreté, la plus sûre. Il dit, lequel est un gage, oh mon Dieu, de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc c'est une preuve ultime que vous appartenez à Dieu et que, que le rendez-vous est pris pour la rédemption. Vous voyez cela? C'est vrai, on dit que la connaissance des Écritures ne nous amène pas dans l'enlèvement. Ce n'est pas la condition pour arriver à l'enlèvement. Parce que les gens qui sont morts ici, qui seront ressuscités, qui n'ont pas vu la Bible que nous avons, mais qui iront dans l'enlèvement. Vous savez ça, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui sont morts avant qu'on écrive cette Bible-ci, mais qui iront dans l'enlèvement. Donc, ce n'est pas la condition. Mais il y a une chose qui est unique à tous ceux qui vont participer à l'enlèvement. Enfin, la première résurrection, ce dont la seconde mort n'a plus le pouvoir sur eux. C'est le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas scellé, vous n'êtes pas du groupe. Notez Romains 8, on arrive. Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Écoutez très attentivement ce que le Paul va dire. C'est mon grand frère, c'est pour ça que j'aime son langage. On va y aller doucement. Doucement. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Qu'est-ce qu'il fait dans la prière? Il prie pour que Dieu donne, je ne sais pas si vous saisissez, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Lorsqu'il a donné cela, et qu'il illumine les yeux de votre... Vous entendez ce paragraphe? Les yeux de votre cœur. Non, le cœur ouvre les yeux. Pour que vous sachiez Donc sans ça, on ne saura pas, n'est-ce pas? Écoutez, ce n'est pas encore fini. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, virgule, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, virgule, ce n'est pas fini. Vous y êtes? Et quelle est envers nous qui croyons l'infini, quoi, grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Sans la révélation, on ne comprend pas que normalement, le croyant a en sa disposition la puissance résultant de la résurrection. Parce que le volet suivant, le verset suivant explique cela en disant qu'il l'a déployé. Il l'a déployé. Donc il a déployé cette puissance dont il en est de parler, qui est disposée pour le croyant. Envers nous qui croyons, il a déployé cette puissance pour pouvoir ressusciter Christ avec. Il dit que cette puissance-là est disposée pour tous ceux qui croient. Vous voyez, ça, ces paroles-là, il y a de quoi bouger l'église avec. Mais on est inerte parce qu'on ne saisit pas. Il y a de quoi, il faut qu'il prie pour que Dieu nous donne de comprendre beaucoup de choses. L'espérance qui s'attache à son appel, c'est-à-dire que lorsqu'on est appelé, c'est parce que je n'ai pas le temps, je suis pressé là maintenant, lorsqu'on est appelé, vraiment, le résultat de cet appel, ce soit. Si vous savez effectivement par révélation ce qu'il en est, vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Pierre a laissé toutes choses derrière comme là-bas. Vous allez savoir pourquoi l'apôtre Pierre a abandonné toutes choses pour le suivre. Vous allez comprendre pourquoi, quand chacun quittait, il partait, il ne suivait plus rien parce qu'ils avaient quelque chose fixé loin devant. La révélation leur avait été accordée. Alors, quand la révélation leur est accordée dans cet esprit-là, toute chose sur la terre est insignifiante pour eux. Mais aujourd'hui, nous voulons avoir toutes les choses qu'ils ont héritées dans l'esprit sans quitter notre regard des choses terrestres. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Mon frère, ce n'est pas possible. Je veux que vous regardez bien le plafond sur tout le monde. Levez le plafond. Regardez le bas. Maintenant, regardez en haut et en bas. Voir. Vous pouvez? On a tout le temps avec quelqu'un qui dit, si tu regardes en haut, tu n'es plus en bas. Tu regardes en bas, tu n'es plus en haut. Je crois que c'est aussi simple, n'est-ce pas? Donc, si nous avons les yeux fixés en haut, on ne peut pas courir comme ça que c'est. Je cours vers le but en haut, en regardant comme ça. Vous courez vers le but en haut. La prochaine fois, vous allez vous fracasser quelque part. Ça dit que vous allez vous tromper dans vos mélanges de croyances. Ceux-ci, ils ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez Marc, chapitre 10, verset 38, l'apôtre Pierre va dire, « Maître, voici, nous avons tout quitté pour te suivre. » Ils venaient essayer de réaliser que ça fait longtemps qu'ils ont quitté. Ils posent maintenant la question, « Qu'est-ce qui sera de nous ?» Et en réalité, en vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui, ayant quitté son père, sa mère, ses travaux, et ainsi de suite, il dit, pour la cause du royaume, ne gagne au centuple en ces siècles-ci et au finish la vie éternelle. Eux, ils avaient quitté sans poser des questions. Nous posons les conditions pour quitter. Nous posons des conditions à Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, pour que je quitte cette œuvre-ci, pour faire cette œuvre-ci, donne d'abord de quoi nourrir à mes enfants. C'est-à-dire, en réalité, tu en as dit, sinon je ne quitte pas. Vous voyez, l'apôtre Pierre était marié, frère. L'apôtre Pierre était marié. Quand il marchait partout en Galilée, là, vous avez vu quelque part sa femme derrière lui. Alors, comment il faisait? Quand Dieu appelle, il protège, il pourvoit tout ce qui te concerne. Vous voyez là, n'est-ce pas? Quand il appelle, il protège, il œuvre. Parce que si l'apôtre Pierre, sa femme n'était pas destinée avec elle à son nom, c'est qu'il va dire, ok, tous les jours, l'évangile, tous les jours, il a laissé les poissons, au moins les poissons nous nourrissaient ici. Il est là que repentez-vous, tentez-vous. C'est fort à la maison, il m'en vient, n'est-ce pas, frère? Mais elle a tenu ferme. Vous savez que quand Christ est mort, ressuscité, il marchait maintenant avec elle. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il allait partout avec elle pour prêcher. Comment les gens se mettent? Comment on regarde comme ça? C'est parce que la Bible dit, frère. Hein? Ok. Parce que d'autres femmes, ça, oui, non, non, oui, non, non. Parce que pour moi, c'est pas assez clair. Je connaissais pas ça. J'ai peut-être vu ce passage. L'apôtre Paul dit, n'avons-nous pas le droit d'amener une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres, Cephas et les frères du Seigneur? Ils viennent nous enseigner que quand ils marchaient, quand ils étaient ensemble, leur femme était là. Mais c'est dans le silence. Mais aujourd'hui, viens voir les plans de l'illumination. Apôtre en apostresse, doctas en doctoresse, angeles des. Donc les voilà. Mais là, ils viennent nous renseigner qu'ils étaient parmi. Mais pourtant, quand on voit Pierre parler, vous le voyez sur le toit, vous le voyez partout ici, on ne parle même pas de sa femme. C'est qu'elle devait se lever que comme Jésus a parlé à la femme, à quoi? À Pierre, automatiquement, je suis la première des femmes apôtres. Tu parles de l'église du Seigneur. Avançons ici. Donc, la Bible déclare que l'apôtre Paul prie le Seigneur pour qu'il donne au saint l'esprit des révélations et des sagesses dans sa connaissance afin qu'on puisse comprendre quelque chose. Donc, la connaissance que vous lisez, comme je disais la première et la deuxième partie, vous connaîtrez la Bible, la lettre, ça ne fait pas de vous avoir la révélation de cette lettre-là. L'apôtre Paul dit, se trouve confiné des choses codées et cachées au point où si le Saint-Esprit vient, il vous déploie cela. Vous allez comprendre ce qui attache. C'est quand tu dis, je suis appelé comme prédicateur, ce qui s'implique plus tard. C'est que le prédicateur ne doit pas comprendre que sur la terre, il a besoin de se mélanger avec le faux pour pouvoir survivre. Non. La Bible déclare que mais celui qui, quand ce temps-là, quand ce jour viendra, celui qui aura enseigné la justice au peuple brillera comme les étoiles du ciel. Il n'y a pas de récompense sur la terre qui peut égaler ce qui se trouve là-bas. Vous voyez, celui qui aura ceci, dans ces choses-là, les paroles du Seigneur, celui qui aura vécu ces paroles et enseigné aux autres de vivre la même chose sera appelé le plus grand dans le royaume. La terminologie, le plus grand dans le royaume. Vous comprenez ce que ça veut dire? Un prédicateur sur la terre dit que vous aimez tout le ciel, moi je vis ma part sur la terre. Un prédicateur de la Bible. Et que vous êtes trop, vous dites, vous êtes trop spirituel. Revenons un peu sur la terre. Le prédicateur, nous sommes quand même dans la chair. Le prédicateur qui dit ça? Comment, frère? Il veut régner sur la terre. On y va. Chapitre 3. Vous êtes au chapitre 3. Avançons doucement. Regardez très attentivement. Je vais recommencer ce qu'on a vu au chapitre 1. Au chapitre 1, l'apôtre Paul supplie Dieu que ce qu'il a vu, qui est réservé à tous ceux qui croient, en commençant par l'appel. Parce que l'appel, il y a l'héritage qui est différent. Il y a l'appel qui est lié à la vocation, qui est différent de l'héritage. Puis il y a la puissance disposée à l'effet de notre croyance en Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est ce qu'on a lu au chapitre 1. Il y a l'héritage, c'est-à-dire que le but final de notre héritage avec tous les saints. Il y a la vocation, c'est à quoi je suis appelé, ce qui est dans ma lignée, de ce que je suis censé faire. Puis il y a la puissance de la résurrection disposée à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul dit qu'il prie Dieu pour que Dieu révèle ça au saint. On y va. Alors au chapitre 3, donc, il va expliquer dans ses révélations, expliquer les différents mystères que nous avons dans la Bible. Puis le verset 14. On va avancer. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Écoutez très attentivement encore. Il fléchit les genoux. C'est-à-dire qu'il reste devant le Père. Quand il a vu cette révélation-là, à cause de cela, il dit, mets les genoux par terre. C'est ce qu'il a dit, il a dit au verset, chapitre 1. Il dit qu'il prie. Il fléchit le genou devant le Père, devant duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que ces révélations-ci, ce qu'il a proposé de parler, vous avez remarqué que c'est tellement plein haut, il n'y a pas de point, c'est toujours les virgules. Donc, il va falloir qu'on aille vraiment doucement. Et il y a de quoi méditer là-dessus. Il dit, afin qu'il vous donne, selon sa richesse, la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? D'être puissamment fortifié par qui? Par cet esprit, où ça? C'est quoi l'apôtre Paul appelle homme intérieur? Entendez? Regardez. Il n'y a pas un point là-bas. Vous avez remarqué? En sorte que Christ habite où? Par quoi? Par la foi. C'est pas tout fini, le point n'est pas fini. Afin qu'étant enraciné et fondé au frère, dans l'amour, si ces conditions sont réalisées, alors, souvenez-vous qu'il n'y a pas de point là-bas, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que jusqu'à là, il n'y a pas encore de point. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, en réalité, l'apôtre Paul a dit, il y a des profondeurs de l'esprit qu'on n'est même pas encore capable de gérer, descendre, c'est disposé pour nous. Il a répété au chapitre 1 que c'est disposé pour nous qui croyons. Vous y êtes? Comment vous êtes fatigué, frère? Bon, saluez-vous alors, levons-nous alors, levons-nous, on se salue un peu les uns les autres, comme ça, ça détend, ça vous détend. Vous bougez seulement la tête comme ça, là. Levez-vous, vous saluez. Personne ne reste sur place. Levez-vous, vous saluez alors. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne l'esprit de sagesse. Pas l'esprit de sommeil, pas l'esprit de timidité. D'accord? Que ça a été béni, ça a été béni. Que ça a été béni. C'est l'os ici. On va ranger ça, d'accord? On va manger. Que ça a été béni, mon frère. Que ça a été béni. Je crois qu'avec ce petit réveil de votre corps, vous assez, avant 15 minutes, avant que le sommeil ne vienne, encore que j'ai quand même parlé encore quelque chose. Asseyez-vous, les enfants, asseyez-vous. Vous voyez que pour un temps, le sommeil est parti, non? Demain, quand on va crier, vous ne pourrez pas dormir, vous le dites. Donc, si nous lisons la Bible de la bonne façon, en fait, l'apôtre Paul nous complique ici avec les révélations qu'il a eues. Mais si vous regardez la première prédication que Dieu a faite par la bouche de l'apôtre Pierre, vous allez remarquer que le son de cloche est donné sans exception pour tous les croyants. Dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, au verset 37 jusqu'à 42, lorsque l'apôtre Pierre s'est levé au milieu de la foule alors que le Saint-Esprit est venu sur eux, on lui a posé la question, « Homme frère, que ferons-nous ?» au verset 37. Il leur a dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Première chose, on ne mérite pas avoir le Saint-Esprit. C'est un don. N'est-ce pas? Deuxième chose, ce don a été promis sous l'ancienne alliance que ça vienne. L'apôtre Pierre continue dans ce verset en disant, car la promesse, parce que ça veut dire que c'est une promesse. Car la promesse est pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont en aussi grand nombre, au loin, n'est-ce pas? En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça commence à poser problème, parce qu'il va aller doucement maintenant, en eau douce. La surface n'a pas bougé. D'accord? Écoutez très attentivement. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et alors vous recevrez le don du Saint. Parce que, car la promesse du don du Saint-Esprit est à qui? Pour vous. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les a. Dont la condition, c'est être... Voilà, ça commence à avancer. On avance. Notez Galates au chapitre 4. Galates. C'est ma personne. C'est ce qu'il dit tout à l'heure là. Galates chapitre 4, vous y êtes. Vous savez? Quand vous êtes debout comme ça et que vous êtes bizarre, des questions se passent dans l'esprit. Que celui-ci, il blague, comment il fait pour ça? Comment? Chapitre 4, verset 6 et 7. Dans la version BJC, qu'est-ce que ça dit, mon frère? Parce que vous êtes fils. Il est fatigué, il peut lire plus fort que ça. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs, oui. Lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Restons d'abord tranquilles là maintenant. Et communion. Donc, frère, est-ce que tu peux nous expliquer ce que la Bible vient de dire là? Nous parlons du Saint-Esprit, du besoin du Saint-Esprit. Et nous sommes de voir la condition pour l'avoir sans être dérangé. Oui, qu'est-ce que la Bible déclare dans ce verset? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vois, si tu lis ça, peux-tu dire ça à quelqu'un en langage simple? Hein, frère Yannick? Est-ce que le frère Yannick peut dire en langage simple à quelqu'un ce qu'on vient de lire au verset 6 là? Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit. C'est clair, c'est la définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verset là dit quoi? Ou bien relis-nous encore le verset. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Donc, regardez-moi très attentivement. Donc, je veux toute votre attention. Donc, si le Saint-Esprit vient dans vos cœurs, vous êtes tous fils de Dieu, nous sommes d'accord? Donc, si le Saint-Esprit vient sur nous tous, alors nous sommes tous fils de Dieu, vous sommes d'accord? Oui, nous sommes tous d'accord. Je veux que vous relisez encore le verset, si vous comprenez bien ce qu'on a dit. Allons-y encore. Parce que vous êtes fils. Allons-y, frère, dis-y. Parce que vous êtes fils que vous recevez le Saint-Esprit. Donc, je recommence encore. Donc, si le Saint-Esprit vient sur nous, alors nous sommes fils. C'est vrai, n'est-ce pas? Non. C'est parce que nous sommes fils que nous avons le Saint-Esprit bien sûr. Recevez mais encore bien la question. Donc, si nous avons le Saint-Esprit, nous sommes fils de Dieu. Oui, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu dis, frère? C'est parce que nous sommes fils de Dieu que nous avons le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible est en train d'expliquer. Que vous êtes d'abord fils de Dieu pour que le Saint-Esprit vienne. Vous voyez la chose? C'est bizarre là maintenant. Donc le Saint-Esprit ne vient pas pour vous faire fils. Vous êtes d'abord fils. Il vous donne parce qu'il vous reconnaît d'abord comme fils. Vous voyez ce qu'il écrit, non? Maintenant, c'est ce que l'apôtre Pierre disait. Dans ce Actes chapitre 2, il dit, le don est pour disposer pour ceux que Dieu appelle. Il dit que la promesse est pour vous. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Il n'a pas dit pour tous ceux qui sont au loin. Il dit en aussi grand nombre. Donc, le nombre dépend de Dieu. Ça dépend de son appel. Si s'il a appelé 400 000 et que plus tard les 400 000 qui seront après vous, à notre délégation, s'ils sont appelés de Dieu et qu'ils viennent, Dieu va leur donner le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est prédestiné à donner. Il va avancer doucement, doucement. Quand les païens entendirent ces choses-là, ils se réjouissaient et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Vous avez vu ça dans votre Bible, dans ces Actes chapitre 13, verset 48. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Je vais commencer à vous citer le passage bizarre comme ça. Vous avez lu 1 Pierre au chapitre 2. Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse pour Dieu. Vous de même. Formez-vous pour être une habitation spirituelle. Et comme des pierres vivantes. Formez-vous pour être une habitation spirituelle. Vous voyez? Puis il dit que vous, la l'honneur et la gloire est pour vous qui croyez. Mais pour eux, la pierre qu'on rejetait est devenue la principale des angles. Un rocher de scandale. Vous voyez? Puis il explique que pour n'avoir pas cru, ils sont achoppés à la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Pour vous qui croyez, c'est l'honneur. Pour eux, ils ont destiné à la chute. Où est la direction que ça prend? Si Dieu ne te reconnaît pas comme fils, comme fille, oublie l'affaire. Vous avez dit qu'il y avait une troisième partie, non? C'est là où nous nous trouvons. Donc, remarquez, je veux que vous voyez quelque chose. Un, le Saint-Esprit, c'est le don. Et le don veut dire qu'on ne mérite pas. Et si on ne mérite pas, par conséquent, en réalité, si on voit dans la vraie réalité, vous n'avez rien à faire pour l'avoir. N'est-ce pas? Parce qu'un cadeau, c'est que tu restes, tu ne t'attends pas, on te donne. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Ça veut dire qu'un cadeau, normalement, prenons par exemple par rapport à la vie éternelle. La Bible déclare, dans ce livre d'Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 13, on dit « Christ est notre paix. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin, à ceux qui étaient proches. » Vous voyez, les deux, il en a fait un. Puis la Bible nous explique que lorsqu'on était sans force dans le monde entier, chacun sur sa propre voie, Dieu a fait retomber nos péchés sur lui. Vous voyez, Dieu nous appelle ça chez les juifs, chez les païens. Au chapitre 2, versets 6 à 9 d'Éphésiens, la Bible nous explique que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Vous avez lu ça un jour dans la Bible? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc personne ne dira que j'ai fait telle chose pour que Christ me sauve. Puis on dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Puis on dit, par le moyen de la foi. Vous avez un endroit où vous allez prendre la foi quelque part, frère. Il y a un endroit, un pasteur qui donne la foi. Il y a un remède pour avoir la foi. Une stratégie pour avoir la foi. Il dit, c'est un don de Dieu. La question c'est, qui donne le don? Qui donne? Donc, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc, il suscite en toi la foi. Alors, ça doit venir de lui. Il te donne, tu acceptes le don de vie qu'il t'a donné. Oh, miséricorde. Et Christ, donc, il dit, tu n'es pas sauvé parce que tu as fait quoi que ce soit. Dans le livre des Titres, il dit qu'il nous a sauvés non selon à cause des œuvres de justice que nous avons accomplies. Il nous a régénérés non à cause de notre œuvre de justice que nous avons accomplie, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez très attentivement. Écoutez vraiment très attentivement. Christ nous a sauvés par le moyen de la foi. La foi, nous acceptons par la foi. Et c'est par grâce qu'on est sauvés. C'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Comment donc celui-ci va te sauver? L'autre aussi n'est pas être sauvé. Pourtant, ça ne dépend pas d'eux. Je continue. Je voulais vous montrer le moyen. Jusque là, vous me saisissez. Une prédication sort. Jean chapitre 6. Vous entendez? Si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'a pas ma vie en lui. Quelqu'un dit, tu as bien compris ce qu'il a dit là? Il dit, j'ai bien compris. Il a dit qu'on mange la chair, on boit le sang. Tu conclus quoi? C'est un cannibalisme. Viens pas. Il quitte la scène, il part. Jésus les appelle pour lui demander que non. Je vais vous donner l'interprétation de ce que je veux dire. Il leur a dit ça. C'est destiné à les éloigner. Pendant qu'ils partent, ils quittent le groupe, ils partent. Souvenez-vous, ils ont marché avec Jésus. Chassé les démons avec Jésus. Alors, ils sont tenus là-bas. Il les a laissés partir. Le gars parle jusqu'à ce que le gars ne parle derrière. Je croyais que le gars c'était sérieux. Mais comment il a dit qu'on mange sa chair, on boit le sang. Alors que Lévitique, chapitre 17, dit qu'on ne boit pas le. C'est un démoniaque. Ok. Il dit, vous ne partez pas. Souvenez-vous, il n'a pas prêché deux prédications là-bas. C'est la même prédication. Les personnes à qui il a demandé, vous ne partez pas. Il a dit, à qui d'autre irons-nous? Si on ne quitte, si on part, on ne peut pas suivre la prédication encore. Ta prédication là, donne la vie. C'est pour eux que la même parole qui est sortie, puis ça donne la vie à quelqu'un, chasse plutôt l'autre. Qu'est-ce que vous en dites là maintenant? La parole de Dieu est pour séparer. C'est pour vous? Séparer. On commence à comprendre l'évangile. On arrive. On avance. C'est pour purifier. Pour purifier. Voilà. J'avance doucement, frère. Alors, lorsqu'il prêche, la même parole donne la vie pour les uns, chasse les autres. Et on dirait qu'il est venu sauver les gens. Normalement, il devait appeler cela pour lui expliquer cela. Il ne le dit pas cela. Quand il complique la vie, à un moment donné, même les propres disciples ont pitié de ceux qui périssent. Et il dit que, maître, tu es un bon type. Ouais. Pourquoi tu ne parles en parabole? Pourquoi tu ne dis pas clairement pour qui? Tu comprends? Il regarde et dit que, Pierre, je t'aime beaucoup. À vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais à eux, ceux du dehors, tout est dit en parabole. Le but, c'est qu'il regarde, il ne comprenne pas. Frère, il n'est pas venu pour sauver les gens. Pourquoi il parle en parabole? Pour qu'ils ne comprennent pas. Alors qu'il est censé faire les gens comprendre. C'est ce que ça nous dit. Vous, il vous a été donné. Regardez-moi, de comprendre. Donc, quelqu'un a fait quelque chose en vous pour que vous soyez dans la disposition que si on parle, vous comprenez. En eux, on n'a pas mis cette disposition. Puis il finit sa prédication. Il quitte la scène en les scandalisant. Pendant qu'il part comme ça, il dit que ceux qui ont les oreilles pour entendre. Je vais vous m'expliquer comment faire pour avoir le genre d'oreille. Donc il demande. Vous avez une école pour aller chercher l'oreille là. Il n'a pas dit que ceux qui trouvent l'oreille pour comprendre, comprennent. Il a dit que ceux qui ont. Comment faire pour avoir cette oreille? À quel moment? Comment? À quel moment il donne? Depuis Non, il n'y a même pas pour le Saint-Esprit sur scène. Il le disait déjà, ça les embrouiller. Depuis Éphésiens chapitre 1. Allons-y là-bas. Que Dieu bénisse. Vous êtes à l'aise? Souvenez-vous de Galates chapitre 4, verset 6. Parce que vous êtes fils, Dieu envoie son esprit, l'esprit de son fils, dans votre cœur. Avec cet esprit-là maintenant, vous pouvez maintenant dire Père. Donc sans ce Saint-Esprit, vous n'avez pas le droit d'appeler Père celui qui n'est pas votre Père. Donc, vous voyez quelqu'un à l'autre. Enfin, vous êtes chez les Blancs. Vous voyez quelqu'un là-bas, un vieux. Tu dis, oh vieux, Père. Il te regarde, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu confonds, je suis blanc, tu es noir, toi. N'est-ce pas? Alors maintenant, si vous appelez Dieu votre Père, alors qu'il est esprit, vous êtes cher. Tu vas dire Père. Il va dire, je ne suis pas charnel, mon ami. Chapitre 1 d'Éphésiens. Regardez. Je vais vous laisser, mais je sais que dans une prédication, je vais continuer ces choses-ci, mais je vais dire des choses grosses ce soir pour que vous avalez en rentrant, vous digérez bien. Chapitre 1 d'Éphésiens, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a, quand nous sommes nés de nouveau. Il a élu quand? Ok. Quand il nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Donc, même le fait d'être saint est prédestiné. C'est ce qu'il écrit, frère. En fait, si tu dis que ce n'est pas prédestiné, le verset suivant dit quelque chose. Nous ayant, selon, oui. Écoutez encore, c'est, voilà les mots choquants de la Bible. Selon le bon plaisir de sa volonté. Il nous a prédestiné pourquoi? C'est le bon plaisir de sa volonté. Prédestiné. C'est un thème que les gens n'aiment pas entendre. Tu es prédestiné, il dit que non, c'est la doctrine de Calvin. Donc c'est Calvin qui a écrit les parties ici. On avance, frère. L'implication est choquante. C'est que si Dieu ne te connaît pas avant la fondation du monde, son esprit ne viendra pas sur toi. Ça, c'est la question. On va lui poser là. C'est à lui qu'on va poser. Est-ce moi qui les ai enfantés? Donc, à lui qu'on va poser les questions. Et en fait, on lui a posé la question. Si je lis bien la Bible, dans Matthieu chapitre 13, lorsque lui, il a créé, il a dit que quand les gens dormaient, on est venu semer l'ivraie à leur intérieur. Il a dit, un ennemi l'a semé pendant que les gens dormaient. Quand ils ont cru, ils ont vu tout le monde. C'était mélangé. Quand c'est mélangé, on dit que c'est embrouillé. On fait comment pas détruire? Non, on essaie de croître ensemble. Donc, quand ils croient ensemble, ils connaissent ceux qui lui appartiennent. Ces paroles-là servent de source, ce que la Bible dit. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quand la Bible dit qu'il connaît ceux qui lui appartiennent, ça automatiquement veut dire que tout le monde ne lui appartient pas. La Bible devait être plus claire. Quand il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis, il vient de dire que tout le monde n'est pas de ses brebis. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Le Père qui va me les donner. C'est ce qui est écrit. Le Père. Ok. Il les a donnés quand? Donc, ils ont fait un complot à la fin de temps. Il a dit que quand ils vont pécher, tu peux sauver Junior. Tu sauves la sœur Grâce. Tu sauves encore qui là. Vous pouvez compléter les noms. Non. Ah ah. Depuis que tu as cru là, toute ta famille est sauvée. C'est justement ça. Parce qu'il ne t'a pas donné, ce n'est pas une promesse pour toi, c'était pour quelqu'un et ça s'est accompli pour lui. Voilà. Donc c'était pour tout le monde. Vraiment, si c'est pour tout le monde, c'est que personne ne va en enfer parce que tout le monde a une famille. Mais tu continues comme ça. Il faut faire attention avec la Bible. Il y a des promesses qui sont spécifiques pour quelqu'un. Vous ne pouvez pas hériter cela. Il y a des choses qui sont pour tous les chrétiens. Si je dis que crois et que tout sera sauvé à toute famille, ce n'est pas une promesse à l'église. C'est Jolie a demandé que faut-il faire pour être sauvé. Il dit que crois et tu seras formé à toute ta famille. Et la Bible déclare cette soirée-là, tout lui et toute sa famille ont cru. Depuis que tu as cru avec toute ta famille, il a prié pour sa famille. Allons là-bas, Acte chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Que Dieu vous bénisse. Ça va vraiment se savoir. Actes chapitre 16. Avant d'arriver à ce passage-là, je veux qu'on voit, puisqu'on a parlé du Saint-Esprit, ils ont son besoin dans nos vies. Nous allons lire 1, 2, 3, puis avant de toucher à ce quatrième passage dans ce chapitre 16, d'accord? Regardons d'abord quelque chose d'amusant. Dans Matthieu chapitre 28, qui clore le livre de Matthieu, vous remarquez que verset 19, le Seigneur Jésus va dire, « Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vais prescrire. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, d'après ce passage, comme les pasteurs disent, qu'on a la grande commission. On doit faire toutes les nations, les disciples. Vous ne pouvez pas dire le contraire, c'est ce qui est écrit. Toutes les... Donc, ça veut dire que toutes les nations seront les disciples de Jésus. Ça vous semble déjà bon? Ça vous semble vraiment clair déjà que toutes les nations sont censées être les disciples du Seigneur Jésus? Allons-y maintenant, regardons ici. Gardez en esprit, gardez ce passage qui vient de citer Matthieu en esprit. On va voir quelque chose ici. Chapitre 16, verset 5 et suivant. Chapitre 16 des Actes des Apôtres. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été quoi? Par qui? D'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Le Saint-Esprit a fait quoi? Il fait quoi, mes chers? Ben, c'est les animaux qui se trouvent là-bas. Hein? Qui? Ben, la parole de Dieu est censée être dispensée pour que tout le monde soit sauvé. Mais le Saint-Esprit empêche qu'il n'annonce pas la parole. Pourquoi? Vous voyez que si on n'a pas le Saint-Esprit, on va dire que les âmes périssent dehors. Allons de mesure en mesure annoncer pour gagner les âmes à Christ. Vous trouverez ici en Phrygie, entre en Asie, c'est le dragon qui va vous manger là-bas dedans. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Que non, tu as donné ta vie à Jésus, sache que ta première mission c'est d'aller annoncer Christ. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça ici là-dedans? J'arrive, notez Luc chapitre 24. En venant dimanche, amène quelqu'un à l'église. Comme ça, si tu as 10 euros, il a 10 euros, ça fait quand même 20. Si tu as 3 voisins, amène-les. Comme ça, si c'est 3, ça fait 30 euros. Vous allez lire la Bible, si bien même. Il dit, la compréhension de l'église de cette époque, c'est avec la Bible des chrétiens des premières époques, ce n'est pas la même compréhension. Ceux-ci, c'est ceux à qui on a dit, allez annoncer. On dit qu'ils voulaient entrer en Asie, le Saint-Esprit dit, ne pars pas là-bas. N'entre pas en Asie. On n'a pas dit n'entre pas en Chine. On n'a pas dit n'entre pas en Turquie. On a dit en Asie. Tout un peuplade. Le Saint-Esprit refuse qu'on leur annonce la parole. Nous, sur la terre, nous avons plus pitié des peuples que Dieu. Et nous voulons forcer les gens à entrer dans le royaume de Dieu avec la main. Que les âmes périssent dehors. Jésus lui dit qu'aucune de ces âmes ne périra. Nous disons que non, eux, ils périssent dehors. Toi-même, tu es dehors, comme ça, tu ne sais pas si tu es entré. Regardons le verset 7. Arrivé près de la maison. Dis à ton voisin que cherche d'abord d'entrer. Vous savez, c'est comme les gens qui sont dans le trou. Regardez, les gens, vous êtes dans un champ où il y a tellement de désordre, comme c'est dans le monde. Si vous entrez dans le trou, tchongolong, dans la profondeur. Tu es en bas, tu fais la promesse à moi, je vais te sortir d'ici. Lui, il va te regarder comme ça, là. Tu vas me sortir d'ici, oui, tu parles. Sors, tu me sors. Parce que au moins, si tu sors, il sait que soit l'échelle va venir, soit la corde va venir. Mais si vous êtes là, tu lui fais la promesse que tu vas sortir. Par la foi, on va sortir ici. Juste que, Seigneur, sors. Vous êtes dans le même trou. Alors, si tu sors, il se rentre aussi par le moment par lequel tu es. Voilà, tu es sorti. Alors, comment tu peux être dans le trou? Tu dis que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Tu es sauvé toi. Il est venu vérifier d'abord pour vous. Vérifier dans les enseignements. Il dit ça plusieurs fois. C'est choquant parce que quand il voit ces choses souvent, mon épouse est témoin. Je reste devant le lit, sur le sol comme ça, je pleure. Parce qu'il sait quel mal Satan a fait avec la théologie au milieu chrétien. Quand il me met à la radio, il dit la théologie a fait beaucoup plus de mal à l'œuvre de Dieu que les mondains. Les gens ne comprennent pas, mais plus tard, dans ce texte, ils comprendront que les écoles bibliques pervertissent plutôt la voix de Dieu. Parce qu'ils forment des pharisiens. Ils forment les gens. Ils formatent les gens avec la connaissance. Tu sors là-bas, tu crois que tu es chrétien. Tu crois qu'en citant la Bible, en demeurant comme tu fais comme ça, en faisant ces bonnes choses, tu es chrétien. Christianisme ne commence pas par la connaissance biblique, jamais. Ça commence par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça ne s'acquiert pas par la connaissance, jamais. Christ doit te faire naître de nouveau. C'est là où ça commence. Le béaba, c'est là-bas. Si c'est là-bas que ça commence, tu vas grandir. Même si tu tombes n'importe où, dès le départ, tu as la sémence. Vous voyez? Mais il ne peut pas commencer par la tête. Et par conséquent, il vient occuper le pupitre comme les pharisiens dans le temps. Christ se tient là-bas, la parole se tient là-bas. La parole se tient là-bas pour le dire, vous avez pour plaire le diable. Ils sont ici pour dire que c'est nous qui dirigeons le peuple. Aveugle. Alors, la Bible déclare, verset 7, « Arrivé près de la Mysie, il se disposait. » Vous voyez, l'homme a la capacité de prêcher, le Saint-Esprit prêche selon sa volonté. L'homme a la capacité de marcher pour aller annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit décide où prêcher. Hey! La Bible. Et regardez, il voulait entrer en Asie. Le Saint-Esprit a refusé qu'il n'entre pas en Asie. Vous voyez, voici quelqu'un qui est prisonnier. Pour montrer que nous ne sommes pas prisonniers du Saint-Esprit, nous décidons que campagne d'évangélisation, 3 jours de feu à Paris, tous les sorciers seront détruits. Et ces sorciers sont seulement à Bercy. Il finit comme ça à Bercy, personne ne sait ce qu'il était là-bas. En fait, le garde du corps même était un sorcier. Il voyage avec lui. J'arrive, il parle, n'est-ce pas, frère? Alors, la Bible déclare ici qu'il veut entrer en Asie, le Saint-Esprit ayant été empêché, pas par Satan, le Saint-Esprit. Donc, mesdames, si c'est notre chrétien modèle, on va dire, si tu vas aller prêcher la parole de Dieu, quelque chose te bloque, c'est que c'est Satan. Ils vont appeler le Saint-Esprit Satan et les séjours. Il dit, le Saint-Esprit les a empêchés d'entrer en Asie pour annoncer la parole de Dieu. Alors que si on lit la Bible, on dit qu'il a dit, annoncer la Bible à quoi? Faites de toutes les nations les disciples. Vous avez vu cela? Donc, d'après la Bible, on doit prêcher, oui, prêcher, mais selon le Saint-Esprit. Voici pourquoi Luc 24 est donné. On va y arriver tout à l'heure. On doit prêcher, mais selon le Saint-Esprit. Oh, où sautez le micro? Waouh! Waouh! Waouh! Waouh! Quand c'est fort, tu dis Seigneur, Seigneur, tu sais que c'est à cause de toi qu'il souffre. Qui t'avait envoyé? Qui t'avait envoyé? Tous ceux qui ont annoncé quelque chose, que ce soit au nom du Seigneur Jésus-Christ, remarquez qu'à tout moment où ils étaient dans le problème, le Saint-Esprit qui les a envoyés a disposé le moment favorable pour eux. Il les a sortis de la situation, a réglé le problème. Parce que c'est lui qui était l'initiateur. Vous commencez une œuvre sans le Saint-Esprit. Tu arrives quelque part, Seigneur, tu es où? Réponds. Il dit, je suis là-bas, tu m'avais laissé. Tu avais quitté ta maison pour partir. Je me trouvais là-bas. Ah, quand vous croyez, la première de vos œuvres, ce n'est pas ça. Je vais vous dire ce que la Bible dit de vous. La Bible dit que lorsque vous croyez, la première chose à faire, c'est de vivre pour servir de témoignage. C'est ce que la Bible enseigne. C'est de vivre l'évangile pour servir de témoignage. Que vos bonnes œuvres luisent parmi les païens, afin que le jour où Dieu va les visiter. Vous voyez? Donc, s'il périt, qui périt. Mais si l'autre voisin, Dieu le visite, il va comprendre maintenant comment que tu étais vrai chrétien. C'est la Bible là-bas. Donc, ta première œuvre, ce n'est pas d'aller annoncer Christ au monde. Tu es là, tu ne sais pas si tu es sauvé. Tu vas annoncer quoi? Le doute aux gens? Peut-être ça peut sembler bizarre, n'est-ce pas, frère? Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie. Mais, je veux qu'on lise ensemble, regardez bien. Mais, ne le leur permis pas. Ça vous semble bizarre? Vous avez lu ça dans la Bible, non? Mais quand vous avez lu, arrivé, vous ne vous êtes pas interrogé? Et vous êtes arrivé à quelle conclusion? Il faut faire toutes choses selon l'esprit. Ok. Alors, quelqu'un qui fait un calendrier pour une année, et il fait ça à répétition depuis des années, ça parle, lui, il programme le Saint-Esprit, non? C'est-à-dire jusqu'à ce que le dimanche en venant, tout le monde connaît le culte qu'il va faire. N'est-ce pas, il programme le Saint-Esprit? Au mieux, c'est lui le Saint-Esprit. Oui. Et quand vous dites qu'il faut prêcher l'évangile partout, quand c'est favorable ou non favorable, il faut prêcher l'évangile. Le problème, c'est que tu as sauté depuis le chapitre 1 où il a dit cela. Il a dit, d'abord, que ce n'est pas un esprit de timidité que tu as donné. Il dit que tu te souviens, toi, que tu as reçu quelque chose par l'imposition de main. On commence par le Saint-Esprit. Voilà. Quand tu commences par le Saint-Esprit, il a dit que fais l'œuvre d'un évangéliste. Prêche la parole et enseigne ces choses. Parce qu'il était jeune et il avait peur de dire ces choses-là au milieu des croyants. D'accord? Mais au préalable, il y a d'abord l'imposition de main avec le Saint-Esprit venant sur scène. D'accord? Voilà. On avance ici. On dit que c'est disposé pour entrer à la musique. L'Esprit de Jésus ne leur a permis pas. La question que je me pose, c'est, en Mésie, y a-t-il des problèmes? Y a-t-il des gens? En Asie, y a-t-il des personnes là-bas? Ces personnes-là n'ont-ils pas besoin de la parole? Si c'était dans notre époque, tout le monde, on va diviser les gens dans l'église. Que chacun parle. Toi, tu parles de son émisie, l'autre parle en string, non? Vous allez là-bas, vous allez tomber dans le grand dragon. C'est votre problème. On avance maintenant. Verset 13 et suivant. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on va toucher 1, 2, voilà le deuxième. Voici la troisième maintenant, puis on va toucher le quatrième. Tu crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. On avance. Verset 13. Le soir du, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait, on va remonter plus haut là pour voir ce qui a amené ceci, d'accord? Elle écoutait et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Je veux que vous souligniez cette terminologie. Vous y êtes? Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Vous y êtes? Combien de femmes y avait-il à cette bordure-là? Vous avez vu dans votre Bible, n'est-ce pas? Combien de femmes y en avait-il? Combien ont eu le cœur ouvert? Paul lui a-t-elle demandé d'ouvrir son cœur au Seigneur? Ma soeur, ferme tes yeux. Ouvre ton cœur au Seigneur. Pleure, ouvre ton cœur, la porte de ton cœur. Votre cœur à la porte, ma soeur. Votre cœur à la porte. La clé de ça, c'est où? Vous avez la clé. Comment un prédicateur peut vous demander d'ouvrir votre cœur? Comment? Qui ouvre le cœur? Ça, c'est une question. La deuxième question, c'est qu'est-ce que Lydie a fait pour qu'on ouvre son cœur? Qui a ouvert son cœur? Combien de femmes y avait-il? Combien ont eu le cœur ouvert? Qui l'a ouvert? Pourquoi l'a-t-il pas fait pour les autres? Pourquoi l'a-t-il pas fait pour les autres? La parole de Dieu dit que l'apôtre Paul prêchait là-bas. Pendant qu'il en des discours, hein, quelque chose s'est déclenché, c'est une autre. Et la chose qui s'est déclenchée, c'est depuis le haut que ça a décidé. Il pose la question, c'est les autres. Pourquoi leur cœur n'ont-ils pas été ouverts par celui qui est en haut? Celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. On avance. Lorsqu'elle fut... Le Seigneur lui ouvrait le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Votre église est où? Vous avez construit votre cathédrale où? Vous avez vu ça? C'est écrit quoi? Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez. Vous avez vu ça, frère? Au verset 40, lorsqu'on va les chicoter là-bas, on prend les enfermés, ils vont là-bas, on voit effectivement que des frères commencent à se réunir chez eux. C'est pour ça qu'il dit la terminologie d'aujourd'hui, c'est que quand tu crois, première chose, on te demande, tu persévères où? Votre église est où? Là. Tu es chrétien de quelle assemblée? Celle-ci, c'est une non-juive. Elle croit. Elle dit, si vous me jugez, dites-nous, Seigneur, entrez chez moi. Nous nous disons, nous croyons aujourd'hui, nous cherchons là, on va aller prier. Vous voyez la différence? Quelque chose s'est opéré à cette femme-ci. Elle entre dans la règle des Écritures qui est établie depuis chapitre 2. Que chaque personne qui croit ouvre sa maison au Seigneur pour que les frères s'y rassemblent. Automatiquement, ici à Philippe, se trouvera l'une des communautés où à Philippiens, il va écrire plusieurs fois que et mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Nous trouvons à Philippe là maintenant. Remontons plus haut maintenant, regardez. Verset 9. Au verset 8. Ils se disposaient à entrer à midi et l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. N'est-ce pas? Verset 9 maintenant dit, pendant la nuit, où ils sont allés à Troas, parce qu'ils vont traverser la Phrygie, ils descendent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien. Vous avez vu ça, frère? Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. passe en Macédoine, c'est pour moi. Comment? Voilà. Ma soeur, prends attention maintenant. C'est là où toi et tu seras sauvé, toi et ta famille commence. Regarde bien. Passe en Macédoine, c'est pour nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons à discerner si c'est Satan qui nous a parlé. Comment? Non. On dit qu'après cette vision, Paul cherchait à savoir si cette vision venait de Dieu. Non. Nous cherchons aussitôt. Donc il n'a pas essayé de vouloir savoir si sa vision venait de Dieu ou Satan. Nous avons besoin du Saint-Esprit. N'est-ce pas, frère? Qui lui a dit que c'est Dieu? C'est la direction de Dieu ici. Quand il s'est levé, après cette vision, directement, lorsqu'ils se sont levés, ils ont dit, cap sur la Macédonie. C'est la direction que le Saint-Esprit veut. Or, lorsqu'ils marchaient pour entrer en Asie, c'était dans le corps physique, c'est-à-dire que éveillé. On dit, le Saint-Esprit a dit, n'y entrez pas. De façon audible. Ils ne sont pas allés. Ils parlent en musique. Le Saint-Esprit dit, n'entrez pas. Mais quand le Saint-Esprit leur donne la direction, il leur donne pas la direction. Quand ils sont en train de marcher, quand ils dorment, c'est la vision qui vient. La porte se lève matin, il dit que j'ai une vision. Il y a un Macédonien qui est venu dans la soirée, la nuit, il me dit que passe à Macédonie et c'est nous. On dit que nous concluons que le Seigneur nous indique à aller annoncer l'évangile. Oh, je veux que vous voyez la direction, comment le Saint-Esprit contrôlait l'église naissante. Vous voyez, les premiers chrétiens, comment ils marchaient. Ici, il n'y a pas de contestation. Passe en Macédonie et secoue-nous. Voilà ce que la vision montre. Il n'y a pas ainsi par l'esprit. Il n'y a pas une lumière blanche sur terre. Un homme avec la robe blanche dont il ne voyait pas la tête. C'était, la tête était dans le ciel. Mais je savais dans mon esprit que c'était Jésus. C'est un Macédonien qui s'est présenté. Passe en Macédonie et secoue. On conclut que le Seigneur les envoie. Mais la question c'est, avait-il ambiguïté quant à la provenance du songe? Nous avons ambiguïté parce qu'il y a ambiguïté dans notre croyance. Nous avons besoin du Saint-Esprit. J'avance. Oui. Suivons donc là à Macédonie. Ils vont à la Macédonie donc, en Pâques. Souvenez-vous, la Macédonie, c'est une grande province. D'accord? C'est une grande province comme, vous avez Paris, voici tout Paris. Vous avez différents domaines dans Paris. Vous pouvez aller à Paris 8e, Paris 6e, Paris 16e, ainsi de suite. Mm-hmm. On dit, passe à Macédonie et secours-nous. Maintenant, la Macédonie est grande. On va entrer où dans la Macédonie? Ils ne posent pas la question au Seigneur. Ils foncent dans la Macédonie. Ils ont confiance que le Saint-Esprit, là, comme il se lève le matin dans l'obéissance en partant, le Saint-Esprit va le conduire là où il en est de partir. Ils n'ont pas lancé campagne d'évangélisation en Macédonie. Vous qui voulez le secours, réunissez-vous au stade de la Macédoine. Non, vous ne verrez pas des choses. Grande affiche, campagne, nous allons secouer les forteresses. Tous ceux qui ont besoin de secours, de guérison, vous avez besoin, vous voulez expérimenter, tempête et miracle à Paris. Ils n'ont pas fait cela. Le Saint-Esprit doit frayer le chemin pour retrouver qui des droits. Comme le Saint-Esprit va empêcher quelqu'un qui n'est pas destiné à ne pas y entrer. Le Saint-Esprit va aussi repérer la personne qui est censée entrer à entrer. Dieu sauve qui il veut. Comme il veut. Nous avons la capacité intellectuelle de prêcher, d'expliquer les Écritures, mais le Saint-Esprit révèle sa vérité à sa volonté. Vous y êtes. Permettez que je recule, c'est ce qui me donne le reflet là. On avance, frère. Alors, là, le Saint-Esprit les révèle que ils doivent passer à Macédonie pour secourir, n'est-ce pas? Mais je veux que vous avez vu qu'en réalité, il y a la direction du Saint-Esprit. Il parle audiblement, par les songes, par les anges, c'est l'expérience de l'église naissante. Quand il est en prison, l'ange vient le délivrer. Quand il est en train de jeûner, le Saint-Esprit lui parle audiblement. Quand il est dans l'angoisse, le Saint-Esprit le préserve. Quand il veut une direction dans le songe, il vient lui parler, n'est-ce pas? Ah, c'est l'église. Qu'est-ce que tu as rêvé aujourd'hui, ma soeur? Tu as rêvé quoi? Un serpent, un gros serpent m'a poursuivi. Pendant qu'il était crié que mon mari m'a touché, tu cries quoi? Ah, le songe. Ça, c'est le songe des chrétiens modernes. Ça veut dire quoi, frère Junior? Le gros serpent là veut dire quoi? Ça veut dire Actes des Apôtres, chapitre 29. Vous voyez ça? C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 29, ça se trouve. Qu'est-ce qu'il faut? Le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Il faut le Saint-Esprit à l'église. Il faut le Saint-Esprit à l'église. Remarquez comment ils se lèvent. Remarquez que lorsqu'ils sont levés à l'issue de ces songes-ci, personne n'a eu de contestation. Il n'y a pas eu, et si on se trompait, il n'y a pas eu, et tu es sûr que tu as vraiment vu, Peut-être c'est par suite de tes pensées, comme tu voulais toujours prêcher l'évangile, que tu as eu cette histoire-là, que l'impression de l'image s'est projetée sur ta rétine et ton retour pour tout s'est projeté vers la Macédonie. Il n'y a pas eu ça. Nous concluâmes. Donc, tous d'accord, Saint-Esprit a mis la paix dans leur cœur pour leur indiquer que telle était la direction de l'évangélisation. Vous êtes avec moi, frère? Oui. J'avance. Il a dit, passe en Macédonie et secoue-nous. Nous concluons que le Seigneur nous appelait à annoncer la parole dans la Macédonie. Maintenant, la question subsiste. Comment annoncer dans une grande province, dans un vaste territoire et retrouver ce dont il a besoin? Le chrétien moderne dit, pour toucher les âmes, stratégie biblique, porte par porte, il faut les repérer. Porte, faisons les tracts avec les noms, noms, prénoms. Ma décision de suivre Jésus. Donc, par le feu ou par le feu, tu vas accepter Jésus seulement. Il vient, quand tu n'es pas là, on poursuit ta porte. On ne sait pas quel caillou va tuer l'oiseau. Voilà les chrétiens de notre époque. On place les gens dans les carrefours. Quand quelqu'un passe, c'est témoin, je vois qu'ils ont compris bien ça. Il donne réveillez-vous. Et lui, il est endormi. Réveillez-vous. Chrétien, par exemple, dit que ce n'est pas comme ça. Ils passent, ils font des tapages partout, quartier après quartier. Au lieu de faire tout ce temps-là, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au lieu de faire tout ce temps-là, réunissez-vous, priez, invoquez le Seigneur du ciel qui réveille l'Église avec son esprit. Et puis vous allez voir l'effet qui va en suivre avec cet esprit-là. Il dit, au lieu de partir, on part là-bas aujourd'hui, demain là-bas, vous voyez que quand vous sortez, vous-même, vous êtes chargé avec un esprit, vous rentrez avec quatre. C'est-à-dire que vous partez, vous avez le problème de masturbation, vous rentrez avec les couches de nuit. Vous allez chercher quoi de Jésus ou prendre les esprits. Dis à ton voisin, il faut le Saint-Esprit. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Ce qu'il faut, c'est le Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, ne montrez pas. Sinon, vous donnez un faux témoignage. Lorsque les Juifs ont commencé à poser des questions au Seigneur Jésus, à Actes chapitre 1, Seigneur, c'est comment? Est-ce à ce moment ou bien à ce temps que tu dois rétablir le royaume d'Israël? Ils disent, qu'est-ce qu'il y a à comprendre la dispensation? Vous voulez trop les révélations. Votre problème, c'est le Saint-Esprit. Attendez que le Saint-Esprit vienne. Pour vous, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit survient sur vous. Et alors, quand le Saint-Esprit survient sur vous, cette puissance-là, alors vous serez le prédicateur. Je lui dis que non. Quand tu crois au Seigneur Jésus, première chose, va annoncer. Jésus lui dit, quand vous croyez, restez tranquille jusqu'à ce qu'il vienne. Puis, quand il va venir, il va vous équiper pour pouvoir aller faire l'œuvre. Les gens d'aujourd'hui disent non, pas de temps à perdre. Fast food, fast prayer, fast prédication. Ça va parce que c'est le coup que l'ennemi a donné à l'évangile. Par conséquent, lorsqu'on sort, on replie, on donne le bilan de la prédication. Quel est le bilan de la prédication? On a compris que pendant qu'on parle là-bas, les gens jouent qu'à la musique. Ok. Changeons de stratégie. Ils aiment la musique, oui. Quel style de musique? Musique rock. Rock chrétien maintenant. Ton. Alors, quand on les invite pour ce qu'ils font maintenant avec Jay-Z. Ils font plus avec Jésus maintenant. Jésus. Quand ils ont fait ça, Jésus lui dit que maintenant que Jésus. Donc, vous chantez Jésus, vous chantez Jésus. C'est la même personne que vous entendez chanter. On a trouvé des stratégies pour faire que, au lieu que les gens se convertissent de la bonne façon pour que le vieil homme et de ses œuvres soient écartés, on conforte les gens dans leur péché et on remodèle ça en thème des chrétiens. Exactement. C'est ce que les catholiques ont fait. Je trouve un milieu dit évangile aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on essaie de convaincre les gens qui sont sauvés. Maintenant, au lieu de chanter le rap mondain, ils chantent le rap chrétien. Un esprit sanctifié ne ferait pas cela. Un esprit sanctifié restera dans la parole du Seigneur. Le fait que tu sois musicien mondial ne fait pas que tu sois converti, tu chantes des musiques. Que j'ai eu dans mon cœur, que ce n'est pas avoir dans ton cœur. Le Saint-Esprit doit te parler. Il faut d'abord que le Saint-Esprit soit là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On change stratégie après stratégie. Chaque personne a sa stratégie maintenant. Rick Warren, lui, il a dit qu'il réveille le corps en jouant les musiques. Donc, dans son temple, il forme le pasteur en disant que c'est une stratégie pour réveiller le corps. Quand vous voyez qu'on prêche, les gens dorment. Vous avez remarqué, oui, faites du bruit. Alors, on danse, bang. Le moment le plus excellent de la République, c'est quand on chante, j'en coule la sueur. Parce que le plus grave, c'est qu'on a interdit d'aller aux boîtes de nuit. Il vient se défouler en boîte de jour. Boîte de jour maintenant. C'est boîte de jour chrétien. Et alors, par conséquent, les gens disent que j'aime là-bas parce qu'on chante vraiment pour Dieu. Ne chantez pas pour Dieu là-bas. Les oiseaux chantent pour lui sans arrêt dans cette boîte-là. Donc, ce n'est pas le problème des chants. Ce n'est pas le problème de lire la Bible, ni le problème d'adorer Dieu en levant les mains. Il a dit qu'il veut en tout lieu qu'on élève les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et tous ces choses qu'on a citées viennent du cœur. Et à l'intérieur, Jésus a dit, ça se trouve à l'intérieur, c'est ça qui souille. Donc, il veut dire, ne priez pas si vous êtes souillé. L'œuvre du Saint-Esprit doit être là. Le Saint-Esprit doit être là. Sans Saint-Esprit, point d'adoration en esprit et en vérité. On pourra lire là, citer, réciter la Bible, manquer le but. C'est-à-dire, au définitif, vous entendez cette sanction-ci, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Parce que le Saint-Esprit doit nous enlever de l'iniquité. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Je vous le dis. Nous en avons besoin. On avance ici. Alors, regardez bien. Il veut entrer en Phrygie, en Asie. Le Saint-Esprit dit non. En Phrygie, non. La nuit, on rêve plutôt d'un homme qui se passe en Macédonie et secoue nous. Le mot secoue nous a un sens. Parce qu'il n'a pas dit secoue moi. C'est une implication. Alors, la stratégie d'entrer en Macédoine, ça dépend du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît les gens qui doivent être sauvés. Le prédicateur ne connaît pas. Il marche seulement en abandonnant son corps au Saint-Esprit, en lui faisant confiance. Alors, il répète qui il veut. Il n'a pas préparé la prédication pour aller prêcher, parce qu'il ne sait pas comment c'est qu'on, si celui-là est dans la tempête ou n'importe quoi. Il arrive. Suivons-le en Macédonie. On y va? Suivons-le donc. En Macédonie, maintenant, le sujet doit être donné. Le sujet par lequel il va prêcher pour pouvoir attraper les personnes qui sont destinées. Vous savez, vous connaissez quel est le sujet de prédication? Vous connaissez le sujet de prédication qu'il va prêcher là-bas? Vous ne connaissez pas le sujet de prédication? Sa prédication, c'est qu'il va délivrer une femme qui a l'esprit de serpent. Par le sujet de prédication, c'est ça qui va amener l'indication pour repérer la personne qui est venue dans le songe. Je ne sais pas si vous saisissez. Ok. La Macédonie est grande. Quelqu'un a dit, passe à Macédonie et secours-nous. J'entre dans la Macédonie, je fais comment? La Bible déclare, et j'ai un lieu de prière, va. On a péché, Lydie. Pendant qu'il allait encore, il y avait une femme derrière. Ces gens, ce sont des serviteurs du Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. On dit que c'est un esprit de Python. Elle a fait ça pendant plusieurs jours. Donc, pendant plusieurs jours, les gars marchaient. C'est ce que la Bible nous donne comme renseignement. Pendant plusieurs jours, ils marchaient. Ils marchaient, ils cherchaient quoi? Ils cherchaient l'indication où le Saint-Esprit va les conduire vers cette personne qui est venue en songe. Alors, quand ils marchaient, derrière eux, ces gens sont les serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit avait tenu celle-là liée pour qu'elle puisse confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, la Bible dit que Paul, fatigué, se tournait maintenant. Et dit que, toi, esprit et Python, sors d'elle! Quand l'esprit est sorti, pam! Satan s'est servi de ces gens-là, croyant vouloir éteindre l'évangélisateur, les évangiles et tous leurs groupes. Leur porter que je vais vous indiquer la personne qui doit être sauvée, qui est venue en songe. Il allait les mettre en prison. Là, c'est trouvé en prison la personne qui était en songe. Le geôlier. Et Dieu était capable de montrer exactement la personne. Exactement la position. Exactement la position. Il ne l'a pas fait. Un Macédonien. Donc, en voyant le visage, il savait que non. Ça, c'est un Africain. En voyant le visage, ça, c'est un Asiatique. Mais il a dit un Macédonien. Donc, il connaissait le visage des Macédoniens. Il va là-bas. Pendant qu'ils sont en prison, ils font quoi, frère? Chanter les louanges. Quand on est en prison, on envoie le feu sur tous les directeurs et tous ceux qui vont juger les dossiers. Il dit, c'est le chrétien d'Ojo. Ces chrétiens conduits par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit dès le départ qui les a envoyés en Macédonie. Donc la prison est selon le Saint-Esprit. C'est dans le plan. La prison est selon le Saint-Esprit. Ils peuvent être contents dans la position où le Saint-Esprit les a permis. Alors s'il dit au Seigneur, je les avais pris, ne m'amène pas en prison. Il raterait le Macédonien. Le Macédonien se trouve en prison. Pas vrai? En fait, la Bible nous révèle que c'est le geôlier. N'est-ce pas, frère? Vous avez vu comment le Saint-Esprit a amené du début jusqu'à la fin de la conversion d'une personne et sa famille? Sans annonce, sans bout de papier distribué, sans publicité. Il a converti toute une famille. Et ça a affecté cette ville jusqu'aujourd'hui. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Je vais avancer rapidement pour, parce que c'est bon, c'est beaucoup ici. Beaucoup ici. Je ne sais pas comment vous les donner rapidement. Alors il a avancé là-bas. On les a chicotés. Puis on les a enfermés. Lorsqu'ils ont commencé à chanter. Remarquez très bien une fois de plus. Je veux que vous remarquez. Qui ne marchaient pas avec les cantiques écrits sur eux. Parce qu'on les a chicotés en fait pour aller les mettre là-bas. Ils étaient des lettres vivantes de l'esprit. L'apôtre Paul n'avait pas un Timothée entre les mains comme ça que quand Silas garde ta part de corps, c'est fort, tu lis. Hein? Il était la Bible esprit. Vous comprenez? En fait, même la bibliothèque où Dieu lui donnait de bien méditer pour écrire les Bibles était en prison. La majorité de ces livres qu'il a écrits, c'est en prison. il écrivait très souvent, il avait les chaînes. Ouais, là, très souvent, il écrivait comme ça. Marc était à côté de lui, avec les chaînes. Il dit que moi, je suis dans les chaînes, moi, vieillard. Après, maintenant, l'autre, il écrit, vous voyez comment il écrit avec mes propres mains. Vous voyez ça, frère? Donc, il était en prison. Ils ont commencé à chanter les cantiques avec les autres prisonniers. On dit les autres prisonniers les entendaient. Quand il a fait comme ça, le Saint-Esprit s'est saisi de la prison. Secouer la prison. Un des je vais venir sur le pourquoi le Saint-Esprit a secoué cette prison-là. Quand il a secoué la prison, les chaînes de tout, non seulement de tous les prisonniers, délient. C'est-à-dire, le vase dans lequel se trouve le Saint-Esprit peut libérer tous ceux qui sont dans la captivité lorsqu'il est dans sa présence. Vous voyez cela? Alors, lorsque le geôlier a vu, aucune de ces choses ne s'est plus jamais passée, n'était jamais passée là-bas. Il est venu avec la lame comme ça. Tremblant, il a tiré son épée. Oh, je suis mort, donc mieux je me tue avant qu'on me tue. Parce que c'est à lui qu'elle donne la responsabilité de cette prison. Si tous se sont évadés, je suis mort. Comment je vais dire? On va dire que je suis complice. Comment on apprend l'argent aujourd'hui? Donc, il était placé de la mort. Les prisonniers du Seigneur Jésus-Christ ne sont pas les usurpateurs. Donc, si les autres sautent de la barrière, ils sont tranquilles. Vous voyez? Si c'est aujourd'hui, c'est que quelqu'un va dire que Christ a sauvé mon frère, sort en peine. Le Pentecôte de Dieu dit qu'il va dire sauve qui peut, que Christ nous a libérés. Mais ils étaient là, les chaînes et les prisons étaient ouvertes, ils sont restés tranquilles. Le Saint-Esprit les a tenus là. Ce n'est pas la chaîne. Aucune chaîne ne les liait plus parce que tout était ouvert. L'apôtre Paul a dit, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. C'est un défi pour les croyants d'aujourd'hui. Alors lorsque les croyants d'aujourd'hui, prédicateurs d'aujourd'hui, sont enfermés, première chose, appelle-moi telle personne qui est avocat. Il veut leur montrer que j'ai des avocats, que nous avons des relations. Donc il a la relation humaine, pas la relation avec le grand juge. Si les apôtres Paul comptaient sur des relations humaines, ils pouvaient s'en sortir. Leur foi a été reposée totalement dans le Seigneur Jésus. Vous avez moi? J'avance? Alors, lorsque ça l'a dit que ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. La Bible déclare que le geôlier est venu se jeter à ses pieds. Ma soeur, c'est là que nous le retrouvons au verset 25. Alors, il est venu se jeter à ses pieds. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que ça dit, frère, verset 25? Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produit un grand tremblement de terre au point que les fondements de prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba, tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Stoppons là-bas. Qui a parlé du but du salut, de la nécessité du salut à ces geôliers? Donc, ici, il réclame le salut. Il demande le salut. Je ne sais pas si vous comprenez le langage. C'est un macédonien. Ce n'est pas un juif pour qu'on comprenne qu'il a dû attendre l'évangile autre. L'apôtre Paul dit, il s'est fait l'honneur d'annoncer Christ, où Christ n'était même pas nommé. Donc, vous n'allez pas dire qu'il était juif pour comprendre ceci. Donc, c'est un macédonien. La Bible déclare donc qu'il a demandé. Il n'a pas dit, pardonne-moi. Il n'a pas dit, vous êtes des mystères. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être... D'où lui vient cet questionnement? Ce questionnement n'est pas normal, n'est-ce pas? Ce n'est pas normal venant d'un geôlier, encore moins d'un fonctionnaire de son statut. Que faut-il faire pour être sauvé? Qui lui a parlé de salut là-bas? Qu'est-ce qu'il répond? Il répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. À qui a-t-il adressé c'est l'apôtre Paul? Au geôlier. Alors la Bible déclare par la suite que le geôlier le prie chez lui. Il a échoué à ses prières toute cette nuit-là. Il crut et il fut baptisé, lui et tout ça. Il a cru et il a été baptisé. Donc l'apôtre Paul est passé en Macédonie et il les a tous secourus. Il n'a pas prié pour aucun membre de sa famille. Vous avez remarqué? Il a cru tout simplement, lui et toute sa famille. Quelle grâce! Alors, crois et tu seras sauvé toute ta famille. Ce n'est pas une promesse à l'église. Non. Ce n'est pas une promesse à l'église. Parce que si c'est à l'église, dans chaque famille, il y a au moins 5 croyants. Alors, c'est que toi, tu es sauvé et toute ta famille. Tu es sauvé toute ta famille. Par extension, toutes les familles de la terre sont sauvées. Parce que dans chaque famille, il y a un chrétien. Ce n'est pas comme ça. C'était pour lui. D'accord? Parce que la parole principale, c'est dans une maison qui seront cinq. Deux seront contre trois et trois contre deux. Tu en as vu ça? Hein, ma chère soeur? Voilà. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée entre le père et le fils. Tu as vu ça dans la Bible? Voilà. Comment les gens qui sont venus mettre l'épée vont être sauvés ensemble encore? Parce qu'on est dans le même camp, on ne peut pas être, avoir l'épée dans le même camp. Donc ça, c'était un cas spécifique pour le gelé et sa famille. On avance? Alors nous avons besoin du Saint-Esprit. Avant qu'on aille dans cette direction-ci, nous nous retrouvions dans le livre de Galates chapitre 4, où le Saint-Esprit nous a dit, c'est parce que nous sommes fils. J'ai comme l'impression que c'est lourd pour vous. Il faut que j'arrête. J'arrête, mes soeurs. Il y a le monsieur qui me menace d'avoir son sac. Elle a porté son sac à l'intérieur. Mais elle est divisée là-bas. Elle reste encore bon. Elle dit, j'écoute encore une minute. J'écoute encore une minute. Cinq minutes, elle est là. Elle dit que mais je pars ou je ne pars pas. Elle est départagée. Mais elle va quand même faire un choix maintenant. Là. Parce qu'elle doit choisir soit partir, soit rester. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 28, il est 21 et moins. Mais il y a le vif soleil là-bas. Il y a le soleil et j'ai chaud. Je fais comment? J'avance. Oui. Ne dites pas oui, mais dans votre cœur, vous dites que j'exagère. Comment, ma soeur, mon frère? Elle avance. Dis-je cela, on encore commence, non? Écoutez, 10 heures, on commence. Si quelqu'un entre, il entre là-bas, il entre chacun. Ce seront que l'esprit va disposer pour chacun. Celui qui doit être là, va être là. On ne doit pas calculer. D'accord? Vous remarquez que les jeunes n'ont pas calculé, ni pour. On ne calcule pas. Celui qui entre, il entre. N'appelez personne pour le dire, c'est là que vous venez, assez, venez, ne forcez pas. Ok, donc informez-le, Mais n'essayez pas d'appeler quelqu'un. Non, le frère, je lui apparaît, tu viens, n'appelez pas. Lorsqu'il s'est mis, par exemple, sur Internet, ceux à qui c'est destiné, c'est destiné. D'accord? Oui, oui, ma chère. On peut avancer dans cette direction-ci. On avance. Nous avons vu et regardé doucement dans la Bible que Jésus-Christ a ses brebis. Et il a dit que ses brebis lui ont été données par le Père. Et il a dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Et quand il donne sa vie pour ses brebis, l'esprit de Jésus-Christ est censé venir sur ceux-là pour tabernacler en eux, afin qu'ils puissent reconnaître le Père, pour qu'ils puissent l'appeler Abba. Donc, il y a une première chose à faire, c'est faire comprendre aux gens que l'esprit de Dieu n'est pas pour tout le monde. Parce que Jésus, lui, il a refusé en disant que cet esprit-là, le monde ne peut pas le recevoir. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Mais nous, les prédicateurs, nous disons aujourd'hui que l'esprit de Dieu est pour tout le monde. Jésus lui-même qui a donné la promesse, dit c'est pas pour tout le monde. Il dit mais vous, je reviendrai vers vous. Il dit le monde ne peut pas recevoir, le monde ne peut pas recevoir, mais vous, vous allez recevoir. Parce que vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. N'est-ce pas? L'esprit de vérité. Lorsque l'esprit de vérité vient et tabernacle en nous, nous avons donc la certitude la plus sûre que nous allons nous envoler dans les nuits avec le Seigneur lorsqu'il viendra. Lorsqu'il reviendra, n'est-ce pas? Alors que faire? Ouvrons Romains chapitre 8, dont je vous ai donné aujourd'hui. C'est plein tout simplement là. Mais permet que j'appuie que ça sorte. Permet que j'appuie que ça sorte, d'accord? J'appuie que ça sorte. Quand vous avez ouvert, vous avez ça devant vous, je parle. Romains chapitre 8, vous y êtes. Le verset 28 qu'on connaît encore une fois de plus, nous allons relire et relire autrement. Quand vous avez ça devant vous, je vais lire. On y va. Vous savez du reste que toutes choses concourent pour tout le monde. Au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est bon là, mon cher. Ne soyez pas en retard. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de tout le monde. Qui ça? Ceux qui aiment Dieu. Ok, maintenant regardez. On dit que toute chose va concourir pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Puis le Saint-Esprit continue en voulant définir par ce qu'il appelle par ceux qui aiment Dieu. Il dit que ceux qui aiment Dieu, Ce sont les gens qui sont appelés selon son dessein, son plan. Donc Dieu a un plan. Il appelle les gens dans ce plan-là. Et comme il les a appelés, n'importe quoi qui arrive, dans ce plan-là, il va faire tourner ça pour leur bien. Donc, si tu es appelé, le mal arrive, n'appelle pas ça mal, c'est dans le plan. Je ne sais pas si on peut comprendre la Bible aussi simplement. N'importe quoi qui arrive, n'importe quoi, que tu es épousé, que tu es, si tu es appelé, tu es une femme, tu as épousé un non-croyant, et que tu es appelé, c'est dans le plan. Tu n'as pas fait l'erreur. C'est ce que la Bible enseigne. Je vais arriver à enseigner pour que vous sachiez exactement ce que je veux dire. Si vous commettez adultère, c'est dans le plan. Je vais que vous dites amen, et puis j'avance. Si vous avez difficile de dire amen, je parle dans la Bible. Si vous dites amen, ça suppose que vous êtes d'accord, j'avance. Mais si vous ne dites pas amen, vous savez, c'est difficile, je rentre plutôt dans la Bible. C'est difficile. Donc j'avance. Donc si vous êtes appelé selon son dessein, l'adultère que vous commettez, c'est difficile pour toi, frère. Pourquoi c'est difficile? Ah, c'est le péché, ça fait quoi? Avant qu'il dise que la terre soit, il ne savait pas qu'on devait pécher. Il avait préparé le sacrifice, donc pourquoi? Alors, qu'est-ce qui est difficile? Psaume 110, 139. Mettez le doigt ici. Psaume 139. C'est quoi, mon frère? Il dit amen. Vous savez, c'est le meilleur moment de ma vie ici. Prendre ces choses du trône et les appliquer sur le cœur. Ouvrir le cœur, faire la chirurgie mystique du cœur. Pas esthétique, chirurgie mystique. Oui. Ouvrez vite pour qu'on conduise. C'est même quoi, c'est vous qui retardez comme ça, en retardant comme ça. Je crois que c'est mieux de. On va encore ouvrir là où on va allumer, c'est quoi? Oui, je crois que c'est la lumière du jour. Laissez que le soleil pénètre. Là, le soleil n'a pas pu faire mal. Là. Voilà. Dieu vous bénisse. Vous êtes 139. Ok, frère, prends-nous le verset 14 et suivant, on va lire quelque chose. Verset 14. Oui. Tu te célèbres car je suis une créature. Ça va t'amener à chercher les Bibles qu'on a embrouillées, les classifications. Alors, lis ici, frère. Tu te célèbres parce que je suis une créature merveilleuse. Oui. Tes œuvres sont des merveilles. Oui. Et mon âme le reconnaît bien. Oui. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret. Oui. Tissé dans les profondeurs de la terre. Oui. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun n'eût deux n'existent. Vous avez suivi ce qu'on a dit là, hein? Donc avant que le gars ne vienne dans le monde, sur le livre de celui qui l'a créé, qui l'a tissé dans les profondeurs des ténèbres, tous les jours qui lui étaient destinés étaient comment? Étaient écrits, étaient fixés, n'est-ce pas, frère? Yeah. Qui dit ça? Non, qui parle ici? David qui parle, n'est-ce pas? Il dit, j'étais loué de ce que je suis une créature si merveilleuse. Après, il dit là-bas que, avant que je ne sois tissé dans le profondeur de la terre, tu avais un livre où tu avais marqué chaque jour de ma vie. Tu les avais écrits chaque jour de ma vie. C'était fixé avant que je ne vienne au monde. C'est ça? C'est-à-dire quoi? Marquer chaque jour de ma vie. Un de ces jours, peut-être jeudi, écoutez très attentivement. Il avance. Oui. Un de ces jours, un jeudi comme ça, il y a un combat rude là avec Israël. Il sort, il fait observer. Ah, il dit aujourd'hui, il ne sent pas qu'il va aller au combat là. Ah, c'est écrit, n'est-ce pas, frère? Il se lève comme ça, les gens vont au combat. Il se lève, il reste tranquille, il se repose, il dort. À un moment donné de la nuit, il se lève, il dit que le sommeil est fini. C'est écrit, n'est-ce pas, frère? C'est écrit dans son livre comme ça. Il avance un peu à la fenêtre. Il faut qu'il prenne de l'air. Le pas là, c'est écrit, n'est-ce pas, frère? Puis il se met sur le toit, avant de pam. Il regarde en contrebas, il voit une belle femme qui se lave, n'est-ce pas, frère? C'était prévu que cette femme-là se lave à cette heure de la nuit. Et qui se retrouve là-bas, n'est-ce pas, frère? Et qui regarde comme ça, n'est-ce pas, frère? Il finit par faire ce qu'il va faire, n'est-ce pas, frère? Et tu Uri. Il dit tout ça était écrit. note dans Romains chapitre 9. On va arriver pour ta réponse. Donc, quand quelqu'un est appelé, tout ce qui est autour de lui concourt pour son bien. Parce que par cet acte-là, quand il s'est repenti, on a eu le psaume 50 et le psaume 51. Comme ça, tu te trouves dans la même situation aujourd'hui, tu invoques comme ça. Tu vois ça, hein? Comment tu dis encore là-bas? Alors, donc c'était nécessaire qu'il fasse ça. Vous voyez? C'était nécessaire qu'avec la sagesse, Salomon boive jusqu'à... Il boive tous les candidats de l'alcool que quelqu'un n'a jamais bu. On arrive, c'est là-bas. C'est pour ça qu'il dit qu'il va titiller, parce que c'est sorti, sort. Que votre corps ne se trouve pas, n'est-ce pas ce qui est écrit? Alors, regardons bien. Salomon a dit qu'il était sage. Il a fait remplir son cœur. Il a livré son cœur à tout excès de joie. Il dit, et il part, quand il finit, il dit qu'il s'est livré à tous les excès. Il dit, et même sa sagesse demeura avec lui. Vous avez déjà vu ça dans Ecclésiaste? Il dit, quand il a fait ça, sa sagesse demeura avec, que même comme il s'est livré dans la dissolution pour comprendre la folie de la vie qui est dans la vie humaine, sa sagesse demeure avec lui. Donc, il était lucide en étant sous. Quand il avait les femmes, il part par-ci, part par-ci, part par-ci, il joue la vie. Il se maîtrisait. Il savait exactement ce qu'il faisait. Donc, la sagesse ne l'a pas quitté. Donc, le Saint-Esprit est venu sur lui. Que, s'il te plaît, entre dans le cœur humain. Montre-leur clairement que les désirs, quel que soit ce qu'ils vont chercher du dehors, ça ne sert à rien. Parce que la pensée de l'éternité nous indique que Dieu va appeler toutes choses en jugement. Voilà le pourquoi c'est venu sur lui. C'est n'est-ce pas? Alors, dans ce Romains chapitre 8, verset 28, il dit que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, nous commençons à comprendre que Dieu a un plan, Dieu a un dessein. N'est-ce pas, frère? Et il appelle donc les gens dans ce plan-là. Et dans ce plan-là, donc, il dit que toute chose concourt à son bien. Alors, ça veut dire que si vous n'êtes pas appelé de Dieu, aucune des choses qui peuvent vous arriver ne concourt parce que Dieu n'est pas derrière avec vous. Alors, si vous avez été appelé dans le plan de Dieu, il a les regards sur vous depuis que vous êtes là-bas. Puisque celui-ci dit qu'il a été tissé dans la profondeur, ses yeux le voyaient. Donc, il a suivi depuis avant qu'il soit tissé, jusqu'à ce qu'il sorte du ventre en grandissant. L'apôtre Paul dira de sa part que lorsqu'il a plu à celui qui l'avait mis à part dès le Saint maternel de révéler en lui son fils Jésus-Christ, il ne montait point à Jérusalem vers la chair pour consulter ceux qui étaient apôtres avant lui. D'accord? Mais mis à part dès le Saint maternel. Donc, apôtre depuis la naissance, mais ne sachant pas, se vautrant dans tout genre de théologie humaine et théorie humaine. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsqu'il plut donc à celui de laisser révéler à lui, se réveille, il l'appelle, il équipe. J'avance. Mais la Saint Romain, chapitre 8, verset 28, ne finit pas là. Car ceux qu'il a promis d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Vous avez entendu? Il les a prédestinés. Donc, par le but pour lequel il les a prédestinés, c'est pour qu'il soit à l'image du Seigneur Jésus. Dans la copie, n'est-ce pas? Mais on dit, et ceux qu'il a prédestinés, Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Stoppons. Donc, tu appelles parce que Dieu te connaissait avant. Comme il te connaissait avant, le moment arrive, il t'appelle. Comme l'apôtre Paul, mis à part dès le sein maternel. Mais c'est à la route de Damas. Quand il était chez les pharisiens, il a appelé. Quand il était à Rome pour faire ces choses, ces théories-là, il était avec lui. Est-ce qu'il a appelé? Mais lorsque le temps est marqué, le temps marqué, pour la transformation, pour dire c'est le moment d'entrer à la maison. C'est pour ça que le Seigneur a dit avec la sûreté, il a dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas laissées, mais celles-là, je vais les amener. Elles vont venir. Il ne dit pas que quelque chose. Il a même présenté en disant ceci que aucune des brebis ne s'égarera. N'est-ce pas? Parce que le but pour lequel il est venu sur la terre, selon Jean chapitre 6, verset 36 à 38, c'est que l'œuvre de mon Père, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucune des brebis, mais que je les ressuscite au dernier jour. Vous savez, moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Je viens de vous conduire au niveau de comment on fait pour l'avoir. On avance, frère. Alors, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi... Vous avez vu cela? Il les a aussi appelés, connus d'avance. Ça suppose que si tu es sur la liste de l'équipe partante, le moment arrive, on t'appelle au stade. Si le coach, en faisant sa liste pour ceux qui vont entrer pour jouer, le 11 entrant, ton nom était là, il garde la liste, c'est lui qui a la liste. Quand il t'appelle que c'est le moment, entre au stade, tu te lèves, tu entres. Si on fait la liste, tu n'entends pas ton nom. C'est que tu ne joues pas le match, n'est-ce pas, frère? Si on a fait l'appel, ton nom ne se trouve pas. C'est ça, ça ne se trouve pas. Chez les mondains, on peut encore négocier pour que le coach enlève un nom, il met un autre. Là-bas, ça ne se négocie pas. Parce que la négociation a eu lieu avant la fondation du monde. Donc, personne parmi nous n'était là. Non seulement la négociation s'est faite sans nous, mais ça s'est fait avec lui-même. On dit qu'il avait ses pensées en lui-même. Il agit selon le conseil de sa volonté. Donc, il ne prend pas renseignement sur quelqu'un. Continuons. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Stoppé. Vous avez vu ça, hein? Après, on va arranger cela. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous avez suivi ça? Puis, il dit quoi? Que dirons-nous donc à ce sujet? Oui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous avez vu, n'est-ce pas? Mais là, le « nous » dont l'apôtre Paul parle, là, il parle de qui? De qui est-ce qu'il a dû parler? Tout le monde? De ses enfants. Alors, est-ce qu'on peut arranger les choses maintenant doucement? Donc, en résumé, on dit ceci. Ce monde, c'est ce que j'ai créé. En résumé, on dit ceci. Ce monde, c'est ce que j'ai créé. À un moment donné, comme je suis sauveur, je vais me faire connaître en tant que sauveur. Parce qu'un sauveur vient sauver quelqu'un qui est perdu. Tant que nous ne sommes pas perdus, nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Il prédestine le péché. Il prédestine le péché. Prédestine avant le péché, la solution du péché. Il décide que le péché va se manifester. Ils vont continuer quand le péché sera grave. Je vais donner la solution pour qu'ils sortent du péché. Comme ça, ils vont me rendre grâce en tant que sauveur. Parce que voilà pourquoi c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Dieu sauveur. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est le plus grand des attributs là-bas, s'il y a comparaison. Le plus grand de tous les attributs. Alors, lorsqu'il est Dieu sauveur, c'est le dernier stade de la révélation de ses manifestations. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce qu'avec ceci, a lieu dans la réconciliation avec ce qui a été disloqué. Maintenant, on peut le connaître maintenant dans l'intimité du Père qui est perdu depuis. Vous me suivez? Oui. Mais l'état de votre corps me semble pas participant. Ou bien vous prenez plaisir selon les prédications, selon l'homme intérieur. Vous trouvez dans votre main une autre chose qui lui est contraire, l'esprit de fatigue. C'est ça, donc il fallait qu'il dise ça, vous dire c'est ça. Moi, ça va, mais pourtant, il dit que vous suivez, il dit oui. On suit quand même. J'essaie d'avancer pour qu'on puisse pousser loin. Donc, en résumé, les choses sont prévues. Souvenez-vous de Genèse chapitre 15. Abraham, sans qu'Abraham n'ait rien fait. Regardez là. L'appel d'Abraham montre que ce n'est pas prédestination. L'appel d'Abraham, parce qu'on dit, la promesse a été faite à la postérité d'Abraham. N'est-ce pas? À la postérité d'Abraham. L'apôtre Paul dit, il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. Allah, c'est-à-dire à Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes héritier selon la promesse. N'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu appelle Abraham, il dit, Abraham, quitte la maison de ton père. Abraham a-t-il des frères? Frère, vous avez moi? Abraham a-t-il des frères? Tous sont-ils dans l'idolâtrie? Son père est-il idolâtre? Pourquoi il ne dit pas à son père que répands-toi? Enseigne à tes enfants qu'il y a un seul Dieu. Il vient au milieu, il dit, Abraham, quitte dans la maison de ton père et va dans un lieu que je vais te venir. Il se tourne, il lui tourne le dos, il observe Abraham et il suit ses traces. Ceci, c'est qui ça? Vous me suivez, frère? Comment il peut venir dans cette famille-là? Il prend, Abraham n'est même pas le premier. Il prend Abraham, il dit, sors de là. Son père est là. Ses frères sont là, il ne leur dit rien. Il se tourne, il les fait sortir des Chaldées. Il commence à suivre maintenant, il dit que le style-ci, voilà le style de la prédication que Dieu a marqué. C'est lui qui appelle. C'est lui qui s'est fait sortir du péché et celui qui t'oriente vers la voie qu'il veut. Amen. Je pose la question. Quand Abraham était là, ça va être quelque chose? On dit donc qu'il est le père donc, de la foi. On avance. Ok. Lorsqu'il se trouve au chapitre 15, alors qu'il a fait le sacrifice et que Dieu l'a amené à la croix, pas d'Abraham. Quand il s'est tourné à la croix, alors que Dieu l'a amené dans ce monde-là, dans sa vision, il a vu Christ crucifié. Quand Dieu lui a expliqué le plan de l'humanité et le plan de rachat, quand les ténèbres sont venues sur lui, il a dit, comment est-ce qu'on peut crucifier le Messie? Jusqu'à comment? Dieu a enlevé la vision et lui a expliqué que, avant que ceci n'arrive, il y aura d'abord persécution sur ta race pour que ça puisse conduire à la croix. La race va sortir, ils seront comment? Dieu a expliqué à Abraham que sache que ta descendance sera esclave dans un pays. Quand il dit comme ça, ils sont nés, les juifs sont nés, donc même l'esclavage des juifs et le nombre de personnes qui devaient être sont prédestinés. Il lui donne le renseignement. Il dit, après 4 générations, je vais les faire sortir, ils vont venir dans ce pays, ce que tu en es de te tourner, tu vois. Parce que l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Regardez ce que Dieu dit. L'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Donc il y a un groupe là qui est en train de pécher. Dieu les regarde, il les laisse, il dit continue. Il y a un niveau où j'attends que le péché arrive. Ne sont-ils pas les êtres humains? Pourquoi n'envoie-t-il pas Abraham pour lui dire, repentez-vous? Il attend que le péché arrive à un niveau de nous. Il frappe sans les avertir. Il frappe, il les tue, il fait entrer les juifs là-bas. Les juifs qui sont plus têtus qu'eux. S'il y a plus têtus, c'est eux. Dieu dit des juifs que depuis le désert, ils savaient que tu étais un peuple rebelle. Donc ce n'est pas à cause du fait qu'ils soient bien que Dieu les a choisis. Pour dire qu'on choisit, pas parce que nous faisons du bien ou quoi. Donc le choix ne dépend pas des œuvres, ni de la couleur, ni de l'appartenance. Mais c'est une semence qui transcende les époques. C'est la même semence. On peut allumer là. Voilà. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et voici la voix. La voix, c'est préparer pour ceux à qui c'est destiné. Et si vous êtes appelés, il a dit que la promesse est pour vous. Donc, on doit l'obtenir. Maintenant, d'enfermer les gens dans une salle. D'enfermer les gens. Vous savez, j'arrive là, non? En disant que tourne ta langue, parle. Ça vient. Vous ferez mieux de vous en repentir. J'arrive là. Nous avons besoin du Saint-Esprit. D'enfermer les gens dans la salle. Commencez à taper ta tête. Parle en langue. Et cha. Ouvre ta bouche. On tape. Si ça fait mal. Il y a un autre qui m'a dit qu'on a tapé sa tête. Ça a fait mal tellement qu'il a commencé à dire ti. On dit que tu as reçu. L'autre, même le serpent n'était pas là. C'est lui-même qui a fait comme ça pour qu'on le laisse tranquille. Vous avez vu le baptême du Saint-Esprit venant par force? Que tu vas parler en langue. Tu demandes à un pentecôtiste quel est le signe que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Il se parle en langue. Vous dites, donc la Bible enseigne que si quelqu'un parle en langue, c'est qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il dit oui. Vraiment? Il dit oui. Mon grand frère pose la question, tous parlent-ils en langue? Il répond encore quoi? Tu lui poses encore la question que le signe qu'on a reçu le Saint-Esprit, quoi? Il lui dit quoi? La Bible lui pose la question que tous sont-ils apôtres? Il dit quoi? Tous sont-ils prophètes? Il dit quoi? Évangélistes? Tous font-ils des miracles? Tous sont-ils prophètes? Tous parlent-ils en langue? Tu lui poses encore la question, quel est le signe qu'on a reçu le Saint-Esprit? Il se parle en langue. Quelque chose ne va pas. Il faut le Saint-Esprit à l'église. Quelque chose ne va pas. Donc c'est le signe qu'on a reçu le Saint-Esprit. Que tu dois parler en langue. Tu dis, c'est où dans la Bible? Il ne peut pas montrer. Mais les interprétations qu'on lui a données, il a pris pour vrai. Mais quand on lui dit la parole, il ne comprend pas. Il ne comprend pas que le signe, que le Saint-Esprit, c'est le signe pour les incroyants, pas le signe pour le croyant. C'est ce que la Bible enseigne, n'est-ce pas, frère? Que le Saint-Esprit, c'est le signe pour les incroyants, n'est-ce pas? Ou bien ce n'est pas aussi ça, ou bien vous doutez encore. L'autre signe ne donne pas l'explication. Vous allez chercher. Alors, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que tout se dérive dans la fête de scène que les cœurs ne sont pas disposés pour qu'ils soient sur la scène. Parce que s'ils viennent sur la scène, comme le Saint-Esprit le singe, l'esprit de satanique le singe, il va faire exactement comme ça. Dans ce brouhaha, qu'est-ce que Dieu fait? Remarquez attentivement pour que vous voyez. Lorsque le même bruit était là, on avait perverti les voies droites du Seigneur. Jean-Baptiste était au milieu préparant le chemin du Seigneur. Des synagogues se remplissaient chaque jour. Des lieux de prière se remplissaient chaque jour. Il partait chaque jour remplissé. Jean-Baptiste était dans l'eau, sans construction, pour dire, repentez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser. Dans la Torah, ce n'est que nulle part qu'on va se faire baptiser. Il sortait d'où avec ce style de prédication. Voilà la voie que Dieu avait préparée. Dieu était hors, appelant les gens hors du système. Dieu était hors. Il veut que vous compreniez. Un système s'était mis en place. Et les gens comprenaient qu'on parlait de Dieu là-bas. Ils ne comprenaient pas qu'on parlait de Dieu là-bas sans que Dieu n'y soit. Vous me suivez, frère? Dieu était à l'extérieur. Répentez-vous et que chacun de vous, les gens quittaient le lieu de culte, viennent là-bas. Qu'est-ce que tu nous dis au juste? Jean-Baptiste, c'est quoi ton problème? Tu es même qui? Les gens des églises conventionnelles ont envoyé même des représentants. Allez lui demander que qui a signé son diplôme de fin de formation. Vous avez vu ça dans votre Bible, frère? Comment vous regardez comme ça? On lui a posé la question. C'est pas ça? Vous n'avez jamais lu ça, frère? Vous avez entendu ces paroles? C'est par quelle autorité fais-tu ces choses? Il a dit de dire, qui t'a donné l'autorisation, qui a signé que désormais tu es prédicateur? N'est-ce pas ce qu'on fait aujourd'hui? Tu prends aujourd'hui et dis que mais, ton école de biblique, tu as fait l'école de biblique où? À Réma, pour essayer de voir si ta théologie vient de. Le Seigneur est venu, il a dit que vous êtes allé voir qui dans le désert? Vous pensez qu'il a signé son diplôme? Vous pensez que c'est Caïf? Non, c'est pas Caïf qui signe son diplôme là, le diplôme qu'il a. Parce que déjà le diplôme, c'est le diplôme de corruption. Vous pensez que c'est ceux qui portent le blanc blanc, qui sont chelous, les cheveux de la frère? Non, que ceux-là, ils collaborent avec le roi. Il a dit que celui-là, vous voulez savoir qui il est? C'est celui dont il est écrit, je vous envoie, il est. Vous voyez? C'est plus qu'un prophète. Ce que les gens méprisaient, ce que les gens disaient comme un prédicateur d'une certaine époque, c'était là où Dieu se retrouvait. Hors du système, hors d'une convenance humaine, hors des choses manigancées avec les mains pour faire plaire à la chair. Mais là, il y avait une voie qui retentissait pour préparer la voie au Seigneur. Et quand le Seigneur est venu, il a suivi cette voie-là, le tracé qu'il avait préparé. Il n'est pas allé par ici. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quand le Seigneur est venu, il a suivi là-bas parce que c'est lui qui prépare le chemin, pas ceci. Or, ceci, souvenez-vous, lisez la Torah. Disait les choses de cette Torah-là. Et il s'est tenu là devant eux, quand il le confrontait chaque fois, il a dit, Moïse vous a donné la loi. Dans ce livre, déjà au chapitre 7, verset 19. Il dit, Moïse vous a donné la loi, cependant, nul de vous n'observe la loi. C'est le Messie qui donne cette sanction. Il dit, nul de vous. D'où venaient-ils les pharisiens, les sadduciens, les hérédites? D'où venaient-ils cela, alors que dans cet testament, ça ne se trouve pas? Juste parce que quelqu'un comme l'apôtre Paul dit, je suis pharisien, dont les blancs les séparés du peuple. Vous le remarquez, on dit qu'il est de la tribu de Benjamin. Comment il a fait pour entrer dans la sacrificature? Comment? C'est parce que vous saisissez. La loi dit que ce sont les descendants d'Aaron qui ont droit à cela. Comment un Benjamite a pu faire pour entrer là? Là-dedans, la perversion. Quand on a perverti comme ça, Dieu préparait son chemin, que toute montée et toute colline élevée soit rabaissée. Qu'on ôte tout obstacle devant mon peuple. Si les obstacles ne sont pas ôtés, un autre système va avoir lieu. Il va dire que je ne suis pas sadducéen, je ne suis pas pharisien, mais je suis helléniste. Ce sera la continuation des pharisiens, hellénistes. Il y aura des aspects des pharisiens ici, aspects des hellénistes ici, avec un nouvel aspect. Il faut que ça soit pour préparer un cœur disposé pour le Seigneur. Parce que si tu es pour le Seigneur, tu ne suivras pas un système humain. Tu suivras la voie du Seigneur, la voie du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne pourras pas être captivé par un homme. La Bible déclare que c'est pour la liberté, effectivement, que Christ a sauvé, qu'on ne doit pas être esclave encore des hommes. N'est-ce pas, frère? Amen. Alors, suivons donc cela. Suivons véritablement cela. Suivons la voix du Saint-Esprit. Le frère, la voix du Saint-Esprit dit, la voix du Saint-Esprit dit, nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous devez admettre cette réalité. Vous devez admettre que nous sommes pauvres en esprit. Nous devons admettre cela. Si nous admettons donc là-bas, il va nous conduire à la source. Il a dit la source, c'est répentez-vous. C'est ça. Il a dit, voilà la source. Répentez-vous. Donc, on va commencer vers le commencement. Donc, nous nous trouvons encore au cas de départ. Acte chapitre 2. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il a dit la même chose à la fin. Apocalypse chapitre 3 à l'église. Et donc, un autre groupe chrétien sort maintenant et dit que non. L'église, un chrétien n'a plus besoin de la repentance. Lui dit, répentez-vous. Je reprends et je châtie qui je veux, que j'aime, ceux que j'aime. Ceux que j'aime, je les reprends et je les châtie. C'est le Saint-Esprit qui dit, dans le Nouveau Testament, il est donc du zèle et répands-toi. Il dit que non, on n'a plus besoin de repentance. On avance, mes frères. Donc, je vais conclure vraiment là-bas parce que même demain matin, Dieu voulant, on va conclure la quatrième partie. Ce n'est pas fini. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui doit faire l'œuvre. Ok, l'église. Lorsque vous assemblez, quelqu'un attire des cantiques qui font que ce soit pour l'édification. Et le Saint-Esprit donne ainsi à l'un, ainsi à l'un, ainsi à l'un. Où sont ces dons? Vous voyez qu'on est pauvre, n'est-ce pas? Alors, par conséquent, un sorcier peut se asseoir au niveau là, il dit Amen. Un sorcier peut se trouver au milieu chrétien, il prophétise. Tu entends? Hey! Hey! Je suis au milieu de vous! C'est pas étrange. Il avait dit, je suis au milieu de vous lorsque vous réunissez. Nous sommes d'accord là-dessus. Amen. Je vous aime. On vient de voir là clairement qu'il aime tous ceux qu'il aime. C'est partout dans la Bible que c'est évident que Christ aime ses enfants. Pas vrai? Dire ton voisin, donc, ce n'est pas une prophétie. Vous ne l'avez pas dit? Il dit qu'il veut avancer que nous avons besoin du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas une prophétie pour l'Église. Ou, si vous voulez, prenez la Bible là. Si vous voulez prophétie, lisez n'importe quelle promesse là-bas que tu seras béni au départ et à l'arrivée. Tu seras mondial au départ. Ce sont les prophéties, c'est écrit. Là, c'est écrit. La Bible déclare que la prophétie sert pour édifier, pour consoler, pour exercer. Donc, ça veut dire que s'il y a un esprit de tristesse, on doit consoler. Donc, il y aura là ainsi, parle le Seigneur au milieu chrétien. On approche le micro. Taisez-vous, c'est le moment des prophéties. Le moment des prophéties, frère. Le moment des prophéties. C'est programmé. Programmé. Jusqu'à ce qu'il y a un moment donné, on change le micro. Maintenant, l'esprit de prophétie est descendu. Donc faites attention. Les prophéties de l'église parlent, vous ne savez même pas quand ils ont recommencé. On dit qu'ils se réunissaient là, quand ils sont réunissés, ils gênaient, ils priaient, l'esprit dit, mettez-moi à part sur les Barnabas. On appelle tcha tcha tcha tcha tcha tcha, hé, hey, taisez-vous. Non, non, non. L'autre s'est levé là-bas comme ça, il s'est avancé, il a pris la ceinture, comme ça, il a attaché ses mains. On dit, qu'est-ce qu'il a de faire? Il dit, ainsi par l'esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, il sera lié de la même façon, amené à Jérusalem. C'est ce qui est écrit, frère. Vous devez lire la Bible. Mais le problème, c'est vous devez discerner la voix de l'esprit. Je vais discerner sa voix parce qu'il ne parle pas à une voix rock. Après qu'elle quitte, l'autre voix de l'homme revient. Si c'est comme ça, c'est une possession. D'accord? Parce qu'il ne vient pas pour effrayer. Il parle tout simplement comme il est simple. C'est pas ce que vous comprenez. Ha! Regardez, Ananias, comme j'ai dit ça tout à l'heure, est-ce assez plus que tu as vendu le champ? C'est la voix de l'apôtre Pierre. Quand il répondait lui à l'apôtre Pierre. La voix qu'il parlait, c'était le Saint-Esprit. Vous voyez, il dit, c'est pas à un homme que tu as fait cela, c'est à Dieu. Donc, il ne s'adresse pas à l'apôtre Pierre, mais c'est à Dieu. Quelqu'un se trouve en plein là, au milieu d'eux, mais il ne le voit pas. Utilisant la voix de l'apôtre Pierre, mais il ne le voit pas. Il voit seulement le dégât. Vous voyez? Vous dites, on est en train de prêcher comme ça, quelqu'un reçoit la guérison. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Comment elle est passée? Non, la vapeur est passée. Que la vapeur est passée? Il envoya sa parole, et sa parole est guérie. Pas que, par les médecins, je suis guéri, donc c'est cette parole qui me guérit. C'est sa parole, donc n'importe laquelle. C'est parce que vous saisissez, frère. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu seras un grand homme de Dieu. C'est quoi un grand homme de Dieu? Prends la Bible. Montre-moi c'est quoi un grand homme de Dieu. Puisque tu aimerais être au pupitre, n'est-ce pas? Toi aussi, tu dis Amen. Il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit. Ma soeur, tu es une grande prophétesse. Dieu va t'amener en France. Tu vas prêcher à la Tour Eiffel. Tu vas même ramasser les visiteurs et les trucs qui viennent là-bas. Je te vois prêcher à une foule de personnes, même 2000 personnes. On a besoin du Saint-Esprit. Vous allez me faire dire des choses ici aujourd'hui. On a besoin du Saint-Esprit. Quelqu'un est comme ça. Il vit dans le péché. Le Saint-Esprit traverse là. Il ne dénonce pas le péché. Il prophétise. Non, je te vois avec une grosse voiture. Avec une grosse voiture. La personne elle-même sait que ce n'est pas normal. Que ce n'est pas normal. Si le Saint-Esprit sonnerait, le Saint-Esprit dirait, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'aime, l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Et fait sa volonté, c'est quoi la volonté de Dieu? Le Saint-Esprit lui répondrait. la volonté de Dieu. Par exemple, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ça. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous, voilà sa volonté, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà un exemple de sa volonté. Vous voyez ça? Je vous exhorte, je vous dis que chacun offre son corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà la volonté de Dieu. Si quelqu'un l'aime et fait l'honneur et fait sa volonté, la volonté écrite. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui ait la vie éternelle. Il s'assoit là-bas avec sa petite amie. On parle des marches de chewing-gum. Dieu t'aime, donc il t'aime comme tu es pécheur. Vous blaguez. C'est quel sacrifice ici? La Bible déclare que nous sommes sanctifiés pour offrir des victimes vivantes, des sacrifices vivants à Dieu. Ne connaissant pas. Un des seuls, je vais parler de ce ministère des prophéties. De ce ministère des prophéties. Alors, il faut le Saint-Esprit au milieu de l'Église. Sans cela, on ne bougera pas. Souvenez-vous, l'Église est la branche armée du ciel sur la terre. N'est-ce pas? Voilà. L'Église est la branche armée du ciel sur la terre. Et souvenez-vous, l'Église n'a pas besoin d'être nombreuse. Un camp de 20 000 personnes. Parce que c'est deux personnes qui ont prié et chanté et que la prison a été déchiquetée là-bas. N'est-ce pas? C'est une seule personne qui a dit ce que j'ai. Au nom de Jésus qui te donne, lève-toi et marche. Après cela, 5000 personnes ont cru. Il n'y a pas de micro. Pas de télévision qui est différente en direct. Pas de YouTube. Pas de compte YouTube. 5000 personnes. On avance. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc, pour qu'on s'arrête dans cette troisième partie, avant en attendant la quatrième, sans le Saint-Esprit, nous serons toujours méprisés. Toujours en train de pleurer. Non seulement pleurer, mais pleurnicher, parce que les mots, les comment on dit en anglais, the common things of the life, les simples choses de la vie qui arrivent au monde, nous arriveront. Et eux, ils ont la voie des solutions pour eux. Ça ne va pas, ils peuvent voir Malam. Toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'aller voir Malam. Tu sois avec ta part, c'est le signe qu'on a besoin du Saint-Esprit. On a vraiment besoin du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais la Bible nous indique que le Saint-Esprit est destiné à tous ceux qui sont appelés selon son destin. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, mon frère. Père, tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Puisse l'Église, ô Dieu de gloire, recevoir ses instructions et ses besoins nécessaires, Père de gloire, d'orienter leur cœur vers toi. Je prie, ô Dieu de gloire, et je sais, ô Dieu, que tu me pousses à dire, Seigneur, ces choses qui doivent s'orienter vers toi. Je le lui dirai, Père de gloire, je le leur dirai. Et je prie, ô Dieu de gloire, que toi-même tu prends ces paroles telles que tu me l'as promis, de les appliquer sur leur cœur afin qu'ils grandissent en toi. Je prie au Dieu de gloire pour tous ceux qui vont nous écouter partout dans le monde entier de comprendre la nécessité, Père de gloire, de posséder cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous savez, même maintenant, je suis dans la prière en priant. Il dit, voici la prochaine chose pour le chemin. Et maintenant, je vais quitter. Il dit, tu leur as donné Luc chapitre 24. Tu ne dois pas laisser. Il vous a donné, vous avez noté, oui. Personne ne me dit plus. Si. Alors, ouvrons donc Luc chapitre 24. Fais attention ici. Oh. Vous avez lu Luc chapitre 24. Donc, demain avant de commencer la prière, on va continuer cette construction-ci. Ouf. Merci Père. Merci Père. Que Dieu vous bénisse, peuple français. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Luc, le chapitre 24. Regardez rapidement, on lit. Le chapitre 24, je vais prendre la partie du verset 45. Vous y êtes? Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous voyez que c'est un danger. de lire la Bible sans l'illumination du Saint-Esprit. C'est pour ça que dans l'une des parties, je vous ai dit que c'est un danger parce que vous pouvez essayer d'utiliser l'écriture pour discerner et vous le discernez mal parce que ce n'est pas l'illumination du Saint-Esprit. Je vous ai donné l'exemple de Gédéon qui allait à Timna pour chercher une femme alors que l'écriture ne lui permet pas normalement. Mais là, c'était une situation ponctuée du Saint-Esprit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? On a vu le cas de Salomon qui allait épouser des princesses de tous les royaumes que Dieu avait interdit et par la suite, lui-même a érigé des monuments pour ces dieux-là. On avance. Il dit, alors, il est ouvri l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Sans l'ouverture de ton esprit, tu vas lire la Bible. Bye. Lis la Bible. Bye. La vie chrétienne devient lourde, devient pesant. Quelque chose doit être fait. La voiture ayant le moteur ne roulera pas sans carburant. On ne peut pas rouler sans carburant. Vous allez pousser. Vous pouvez mettre au point mort. Pousser en disant dans la maison de mon père. Alléluia, on est dans la joie. On appelle ma soeur, ça va. Il dit Jésus-Christ règne. Il règne. Il ne règne pas à cause de toi. On dit, même le jour du déluge, il était sur son trône. Dans la maison de ton père. Vous poussez la voiture au point mort. Ne vous inquiétez pas. Peut-être vous poussez ça à rôle parce que vous avez un endroit plat. Vous allez rencontrer une colline. Vous allez savoir que la voiture ne montera pas de cette façon-là. Donc, vous pouvez fonctionner avec la religion. Avec la religion. Vous essayez de jongler, ça marche. Il y aura une montagne qui va se positionner devant toi. Tu vas te souvenir que Zorobabel ne pouvait pas s'en sortir là-bas. Juste parce que le Saint-Esprit vient dire que ce n'est pas par la force. Que ce n'est pas l'Esprit, dit le Seigneur. Vous voyez? Que qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Que ce n'est pas par la force. Ce n'est pas son esprit. Vous me suivez? Ok. Alors la Bible déclare ici dans ce verset 45 de Luc chapitre 24, il dit alors il est ouvri l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Maintenant, quand l'ouverture, on n'a pas le temps, je vais pas, il faut qu'il finisse Luc 24 comme il a dit là. Lorsqu'on va arriver ici, il va parler de l'ouverture de l'esprit. C'est-à-dire, vous tournez dans la Bible, quand vous parlez, quand vous regardez la Bible, comme cela, vous regardez comme ça, vous avez comme impression que vous êtes assis quelque part, le Père vous a dit ce que ça dit. N'est-ce pas ce que c'est? C'est-à-dire que vous regardez comme ça là. C'est-à-dire, il est de ce côté-ci, vous êtes là. S'il parle, vous entendez cette voix-ci. Si ceci parle, vous l'entendez parler. Alors, la Bible déclare au verset 46. Alors, il a commencé à leur dire que ainsi, il est écrit que le Christ ferait quoi, frère? Souffrirait. Bon, il a dit ainsi, il est écrit. Donc, ça veut dire que, il est en train de dire aux disciples qui sont devant lui, que, en fait, sachez que c'est écrit comme ça. Vous allez dans la Bible, vous fouillez, remarquez bien ce qu'il va dire. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et que ressuscité des morts le troisième jour. Après le troisième jour, la repentance, la prédication pour la repentance du pardon du péché serait prêchée en son nom, à commencer par Jérusalem. Il dit que c'est écrit à l'intérieur. La révélation leur a été donnée. Allez dans la Bible, cherchez où c'est écrit, vous ne verrez pas. Pourtant, c'est écrit. Jésus leur dit que c'est écrit comme ça. Mais je vous lance le défi à vous ici, allez chercher où c'est écrit. Jusqu'à présent, c'est écrit parce que ce qu'ils ont acquis, là où Jésus disait ces choses-là, c'est contenu dans la Bible. Mais vous ne verrez pas ça littéralement comme ça. Il doit devoir vous conduire que ici, c'est ça que nous sommes de parler. Vous me suivez? Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous devez prendre un exemple de ces choses, c'est pour que vous compreniez ce que je veux dire. Exode chapitre 6. Chapitre 3, allons-y au chapitre 3. Chapitre 3. Vous y êtes dans Exode chapitre 3. J'espère que vous n'avez pas fermé Luc parce qu'il arrive là. Regardez le verset 6. Et il ajouta, j'espère que vous avez ensemble avec moi. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. J'espère que vous avez lu comme moi. Qu'est-ce que ça dit? Ne mange pas ces choses, d'accord? Ne mange pas ce qui est là. « Celle-ci regarde dans sa version, elle regarde notre version, c'est la même chose. Il est lui, vous avez entendu la voix là, non? Pendant qu'on lit comme ça, le ventre de quelqu'un fait brrr, l'autre fait pas, les délivrances opèrent. Regardez, j'ai dit ici, verset 6, la Bible déclare que Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quand Moïse a entendu ça, il a caché ses yeux parce qu'il avait peur de voir Dieu, n'est-ce pas? J'ai dit, qu'est-ce que vous avez entendu là-dedans? Il tente de lui dire, fais attention, l'enfant, là, elle risque de verser ces choses-là. Je suis dans Luc 24. La Bible déclare que le Seigneur Jésus a ouvert l'intelligence ou bien l'esprit des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Dès que l'esprit a été ouvert, il leur dit que c'est écrit que le Christ souffrirait et qu'il va ressusciter de mort. Et après sa résurrection, il y a une série de choses qui vont se faire. On va prêcher en son nom la repentance du pardon du péché et le lieu de prédication en premier lieu devrait être Jérusalem. Vous les allez de la Bible, ce n'est pas écrit comme ça. J'ai dit, en réalité, c'est écrit, mais codé avec le langage pour lequel l'esprit doit t'ouvrir pour que tu puisses comprendre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il dit un exemple, c'est ce que je viens de lire là. Il dit, ok. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de... Qu'est-ce que Dieu en train de dire là-bas à Moïse? C'est-à-dire? C'est-à-dire? Il a parlé donc de quoi? En langage simple, dans le Nouveau Testament. Il parle de? Résurrection. Vous avez commencé trop fort? Applaudissons pour nous-mêmes aussi. Applaudissons, applaudissons. Bon, toi, est-ce que tu savais que c'était la raison dont on parlait là-bas? Vous voyez? Vous avez vu, n'est-ce pas? C'est ces choses que je suis en train de vouloir dire que le Jésus a amené à ses disciples. Or, c'est écrit là-bas, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'a pas besoin de dire, je suis en train de parler là de la résurrection. Il n'a pas besoin d'utiliser le terme résurrection pour que vous compreniez qu'il parle de la résurrection. Maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 22, partie verset 22, chapitre 20, verset 22 et suivant, les pharisiens, les sadduciens particulièrement, qui le rencontrent, qui aiment le confronter, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vont dire qu'ok, une femme avait un mari, ils ont connu, il n'y avait pas eu d'enfant, elle est morte, et la femme a connu encore le frère, d'après la loi de Moïse, jusqu'à comme ça, 7. Puis il dit qu'après le frère, quand ils font comme ça, c'est le grand docteur, on appelle le grand éminent, il croise Jésus, il avait son touche là-bas comme ça, diplômé de l'université de théologie sadducéenne. C'est tiens là, il croise Jésus. Jésus le regarde, il fait table pied au sol. Il dit qu'à la fin des temps, donc, il veut dire, puisque vous dites qu'il y a la résurrection, il veut montrer que l'imbécilité de croire à la résurrection, en montant cela, ok, dis-moi, s'il y a la résurrection, quand la femme va sortir, il y aura 7 hommes ici, parmi lesquels, qui sera son mari, puisque tous l'ont connu. Parce que connaître, ça veut dire que tu es marié. Connaître, ça veut dire que tu es marié. Alors, duquel sera la femme? Il fait comme ça, il tape le pied, il sait sûr que comme avec sa pensée théologique, il avait connu les pharisiens, il va connaître celui qui est l'auteur de la parole. Jésus commence par leur dire, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et puis il dit que vous êtes dans l'erreur. Donc, leur doctrine, depuis qu'ils font ce que les gens ont cru mourir, transmet ça dans leur école, c'était leur. Ils transmettaient quoi aux gens? Et la Bible déclare, il y a l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Qui inspire l'erreur, frère? Satan. Donc, ils étaient à l'école théologique de Satan. C'est un docteur. Il dit, l'école biblique, je peux vous en parler là depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. C'est écrit là noir et blanc, mais avec notre langage à nous. Alors, c'est tiens là-bas, juste qu'il dit que... Enfin, ils attendaient toutes les réponses sauf celle-là. Que vous ne comprenez ni les Écritures. Donc, ils ne comprenaient même pas. Donc, ça veut dire que même ce que Moïse disait, par rapport à cette chose-là, ils ne comprenaient pas. Puis, il dit que, okay, quand, pour ce qui est des buissons Adam, parlant de Moïse, que vous parlez de Moïse justement, ici, n'avez-vous pas lu que, dans le buisson d'Adam, lorsqu'il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, vous avez lu cela? Il dit pour lui, tous sont vivants, car à la résurrection. Donc, il avait dit que Dieu parlant ainsi, parla de la résurrection, pour les prouver qu'il y avait la résurrection des morts. Vous voyez cela, frère? Pourtant, il n'a pas cité le mot résurrection. Alors, c'est confiné dans la Bible qu'effectivement, Christ souffrirait. Et tout à l'heure, pendant qu'il parlait, d'Abraham qui est allé à la croix, pas vrai? Personne n'a semblé me poser la question de comment Abraham allait à la croix. Comment il a vu le Messie crucifié? Et comment elle a vu la résurrection? Pourquoi elle a pleuré? Pourtant, c'est écrit là dans la Genèse, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous voyez ces choses écrites dans la Bible, comment est-ce que vous ne pouvez pas seulement se déposer en disant que Seigneur, je m'abandonne à toi? Maintenant, ici, dans ce livre de Luc, chapitre 24, il ouvre l'esprit, continuons. Il ouvre l'esprit, il comprend les Écritures, et puis il commence à expliquer que la résurrection, dont là, la prédication de la repentance. Vous avez encore fermé Luc 24? Oh, c'est pas vrai. Que la résurrection, que la prédication va commencer à Jérusalem. Vous êtes? a commencé par Jérusalem. Puis il a dit, vous êtes témoins de ces choses. Verset 49. Et voici la promesse. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, je veux que vous souligniez ceci. Et c'est là que nous allons sortir de ce sujet. Mais vous, votre rôle c'est ils sont les témoins de ces choses-là. Quel est leur rôle à faire? On leur dit que le rôle qu'ils ont à faire, c'est quoi? A-t-il donné le durée des temps qui vont rester? A-t-il donné le nombre de jours qui doivent attendre? Pendant qu'ils sont en train d'attendre, si les gens périssent dehors, ils font comment? Pointe quelqu'un, dit que tu n'es pas le sauveur. Tu ne te feras pas du bien en sortant sans Saint-Esprit. Tu ne leur feras pas du bien en sortant sans Saint-Esprit. Tu ne les aimes pas plus que Dieu qui les a créés. Voilà. Donc, notre rôle à nous, n'est-ce pas, c'est d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit revêtu dans la puissance du Saint-Esprit. Là, on sera utile. Là, on sera utile. Le Saint-Esprit venant sur toi, en toi, tu vas te découvrir. Tu sauras exactement. Vous voyez aujourd'hui, Dieu, tu m'as même appelé à faire quoi? Tu veux me faire quoi dans ta maison? Alors, je balaye le sol. Le sol, c'est donc le ministère. Le Saint-Esprit est venu pour que tu balayes le sol. Donc, c'est un très bon rôle de balayer le sol. Si c'est comme ça, vos services d'hygiène s'y font mieux, pas vrai? Ont-ils le Saint-Esprit pour le faire? C'est pas ça. Il faut d'abord être équipé par l'Esprit. Vous voyez? Parce que le Saint-Esprit te oint pour un service. Te place à un rôle, t'équipe dans une charge et t'assigne une mission dans le corps. Et cette mission-là est faite pour bénéficier, pour que le corps en bénéficie. Remarquez que dans l'église des naissantes, les gens qui avaient été confinés et choisis pour servir à table devaient être remplis du Saint-Esprit. Ça vous fait quoi là, mon frère? Cherchez parmi vous sept hommes qui ont fréquenté, qui ont bien les bons comportements, dont on a signé les provisions. Choisissez parmi ceux qui ont la mention très bien. C'était les conditions que l'Église a faites, n'est-ce pas? Choisissez parmi vous sept hommes de qui on rend bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint. On a choisi le frère ici. Tu étais parmi, n'est-ce pas, frère? Il y avait Étienne parmi. C'est pas lui ici? Il a ressuscité de mort. Alors, faisons attention. L'ordre de sortir, d'aller, n'est pas à prendre séparément avec ceci. Parce que c'est la suite de l'événement raconté de Matthieu chapitre 24 qui se trouve ici. Matthieu chapitre 24, il a dit, allez. Le Saint-Esprit a donné à l'évangéliste Matthieu de s'arrêter là-bas au niveau de ce qu'il a compris. Le Saint-Esprit continue avec Luc dans les détails en disant que avant d'aller, vous devez attendre jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour que vous puissiez aller. L'apôtre Paul vient expliquer qu'en réalité, il faut se revêtir de toutes ces armes-là parce que là-bas, dehors, c'est grave. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous avez intérêt donc à avoir le Saint-Esprit. Vous devez vous équiper. Parce que dehors, c'est la puissance des ténèbres. Dehors, nous avons affaire à des puissances des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc tu sors, s'il y a un derrière toi, tu rentres avec 4000 derrière toi. Si vous voulez aventurez-vous, en fait, vous en connaissez, non? Il y a des gens que vous connaissez, qu'ils étaient fans de ils prêchaient, Ouh, la soeur, là, elle a le zèle, elle rentre avec un but. Le ventre devant, vous êtes frère, je suis tombé dans le péché, tu n'es pas tombé dans le péché, tu étais dedans, tu nageais. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Permettez-moi de ne pas garder ma Bible, je viens, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Amen.